Comment ça va, guys? Je me regarde dans la caméra, là. Chris, je suis du pour les vacances. J'ai de l'air malade. Spot quand je me regarde, fait que ça marche pas. Ah, mais toi, t'aimes ça être dans le spotlight. C'est pour ça que je t'ai mis la lumière, là-même. Mais t'as une belle petite peau de bébé rose. Je le vois ici sur mon laptop, là. Une belle petite peau de bébé rose. Je fais mes tests. Faut que je me watch, j'ai pas mon pop filter à soir. Fait que dans le setup de pauvre qu'on s'est fait, copyright, excuse Dom, on t'a emprunté ton concept. Comment ça va, Internet? Comment ça va, Twitch? Êtes-vous en forme? Là, c'est toujours le délai awkward, là, le monde m'a écrit, mais il se pose d'avoir moins de délai maintenant parce qu'il y a une fonctionnalité Johnny dans Twitch. Johnny Grittis, il dit quelque chose d'important ici. 4 jours, astille. 4 jours avant. Je regarde tout le temps en haut à droite. Ça va être le WEG dans pas long. Moi, j'ai une question, moi, j'ai une question pour les deux à ma droite et à ma gauche et l'auditoire qui nous écoute. Êtes-vous hype pour le WEG? Oui. Oui. Puis on peut dire 3 jours, je pense. J'écoutais Arcade Piquante en courant la semaine dernière, puis c'était très drôle. Ouais, c'était drôle quand tu l'écoutes, Arcade Piquante. Mais attends, iChuck. En courant. iChuck, connaissant iChuck, il a clairement pas écouté en courant l'Arcade Piquante de Ariel. Ça, il a dû le garder pour full screen full HD puis tout. C'est la fille qui fait la cuisine. Qu'est-ce que tu veux insinuer là, toi? Là? iChuck, il aime consommer certains types de culture. Oui, dont le podcast. Exact, culinaire. Fait que, êtes-vous prêtes, les boys? On start ça, c'était chaud, là. Go. Fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, là. Yes, sir! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Mon nom est André Paquette, votre humble animateur en ce lundi 15 octobre. C'est bien ça. J'ai pas fucké la date. J'ai pas fucké le nom du show. Ouais. Je l'ai eu straight pipe. Félicitations. Merci. Pat on the back. Je vais m'abonner moi aussi tantôt. Donc, dit-il, s'étouffant avec des grignoles de popcorn. Fait que, André, t'as-tu mis du mascara? Pas encore, ça s'en vient. Ça, c'était sa phase October Skies, c'est ça? Non, c'était Red Novella, groupe emo core. Est-ce que tu étais membre de ce groupe? Non seulement j'étais membre, mais j'étais guitariste de rythme et je faisais les back vocals qui n'étaient pas du screamo. Calice. Nice. On retrouvera des photos de ça un moment donné, ça va être vraiment drôle, puis au pire je m'humilierai publiquement. Mais, publiquement. Il faudrait qu'on fasse un post publi, là. Ouais. Publiquement. Que de plein de nous autres, genre, mettons, il y a 20 ans, tu sais, ou nos. Mais moi, j'en avais mis une photo avec mon chandail de Robocop, puis le background de laser oui, de l'école. Oui, moi, j'ai mis la photo avec un coton ouaté de Macho Man. Ben, ça c'est une coupe champignon, des grosses. Ça fait partie des annales de l'Internet, ça. Ouais. Publiquement. Ouais. Fait que, guys, pour ceux qui synchronise maintenant sur le MP3 qui est disponible en ligne ou les gens qui vont se joindre à nous sur Twitch. Nous sommes donc Geek Collectif le podcast, une balado diffusion québécoise francophone de culture populaire et ma foi certainement impopulaire aussi également, accompagné ce soir de Jonathan Milter. Bonsoir. Comment ça va, Joe? Je me sens comme le Mott meme là, sur Internet à cause de cette lumière qui est là, puis j'arrête pas de vouloir la regarder. T'as le goût de puissante, genre. Non, mais à toute fois, je dis André, tantôt, je la regarde, puis elle m'aveugle, puis depuis tantôt, je suis comme porté à regarder dedans. Ouais, mais c'est parce que c'est tellement éblouissant, puis c'est tellement beau de la clarté comme ça. C'est bon, le Mott meme, il a sorti Out of Nowhere, puis il a comme fait un comeback, hein? Out of Nowhere, puis je te dirais disparu aussi vite, ou presque. Il n'y a pas grand monde qui l'aime, là. Pas grand monde qui le comprend vraiment, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Fait que le monde cherche trop profondément qu'est-ce qui est drôle dedans, mais c'est juste une Mott. Tu sais que t'es rendu à un certain niveau d'accès à l'Internet quand les gens vont chercher de la profondeur des memes, c'est rendu assez fucké. Ouais, hein? Ben, la plupart, oui, non, quand tu y penses. Oui, t'as raison là-dessus. Veux pas. Finalement, les memes, c'est la forme d'art la plus profonde, puis l'Europe veut bannir ça, ça n'a pas de sens. Accompagné memes, également là, de. Oui. Avant de m'introduire, là. Ben oui, les memes, là, c'est comme. Je vais peut-être faire un lapsus historique, artistico-historique qui va faire friser certains, là, mais. Toi, ça? Les mimes en 2017-2018, c'est comme les fameux mandalas temporaires là, tibétains qu'ils faisaient dans le sable. C'est comme c'est fait. Nelson? Hein? C'est juste fait. Tu les fais. Ils sont faits pour être créés, appréciés, puis ils disparaissent. Moi, j'ai juste en tête une machine de pachinko à Konami. Non, mais c'est comme les dessins que les moines tibétains font dans du sable de couleur. Là. Puis là, t'as toujours comme un coup de vent qui passe, puis là, ça défait tout ton dessin, que ça fait comme 10 mois que tu travailles dessus. Mais un mime, c'est comme ça. C'est comme les Japonais, c'est pas fait pour rester. Qui placent du sable de couleur dans des petits Je pense que c'est exactement ça qu'ils pluguaient quand ils parlaient de... Ben non, malgré que là, tu parlais de tibétains. Je parlais des moines tibétains qui font des... Je mettrai ça sur le Facebook. On s'entend qu'ils ont peut-être des cultures un petit peu similaires à la fois, mais merci pour le brain culture. Donc, accompagné également de Guillaume Hamel ce soir. Ben oui, c'est moi. Un retour... il me semble, à chaque fois que j'ai un podcast, je dis « Hey, un retour. » C'est... c'est un thème récurrent. C'est peut-être, je me rebaptise, The Returner, Guillaume The Returner Hamel. Et tu viens de prouver ce soir que tu n'es définitivement pas la même personne que Maxime Gagnon. Non, en effet. Qui n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. En fait, je pourrais dire je suis Maxime, mais j'ai tellement mangé de piment fort que j'ai comme... Poussé des cheveux. Exact. Fondu. tel un mécréant qui tombe dans un bassin d'acide dans Robocop. Ouh, la plug. La version X-rated qui est maintenant disponible sur Amazon Prime Videos en plus. Ouais. Mais pour expliquer un peu, dans le fond, on était supposé être une équipe complète ce soir et on a deux braves acolytes qui ont eu malheureusement un empêchement. Donc, Maxime Gagnon et Éric Hébert ne sont pas avec nous ce soir. Fait que, qu'ils reposent en paix. Bon repos, puis on vous souhaite que tout se passe bien de vos côtés. Donc, ce soir, en réalité, là, on a un petit épisode quand même... quand même coquet qu'on s'est préparé dans le fond. Ça s'appelle le Touski des restants 2018, le Hype Edition. Yes. En réalité, on va décortiquer un peu tout ce qui s'en vient pour le restant de l'année en matière de télévision, films, jeux, on parle de ce qui nous excite. Livres, pas mal tous les cossins, ce qui nous excite. Puis on va comme abonder dans ce sujet-là. Mais avant tout, on a une tradition depuis la saison 2 du collectif. Il y a des annonces, puis on va commencer avec le On This Day, dans le fond. Fait qu'aujourd'hui, le 15 octobre, il y a des trucs qui ont marqué l'histoire, dans le fond. Puis, on va débuter en 1940. 1940, un fait qui va sûrement t'intéresser, Milter. On a eu une satire qui a été enregistrée avec Charlie Chaplin, qui s'appelle le film The Great Dictator. Her porn parody. Calisse. Non? Non, c'était... Okay. Mais... Les porn parodies, c'était pas en 1940. Pas en 1940, je non, sais pas. C'était en 2016. Fait qu'en réalité, là, c'est le film de Charlie Chaplin qu'on se fout un peu de la gueule de Hitler, etc. et tout le kit, donc The Great Dictator. Faut le faire pareil. Faut le faire pareil. Fallait le faire. Là. En réalité, le Chaplin, c'est là que tu vois qu'il y avait un peu de profondeur quand même au personnage, même s'il était muet. 1951 aussi, on a le début de la télésérie I Love Lucy. Avec Lucy Ball puis Desi Arnaz qui a parti une multitude de jokes stéréotypés sur les hispanophones. Qui ne passerait plus aujourd'hui. Qui ne passerait plus, effectivement. La fille, l'actrice, s'appelait vraiment Lucy? Elle s'appelle Lucille Ball. Oh, ils ont pas cherché loin quand tu y penses. Ben, cherche de personnage. Le casting n'a pas dû être long. Le pire, c'est qu'une actrice ne garderait jamais son nom de famille Ball dans les années 2000 non plus. Ouais. On parlait de choses qui se font plus. Là. Hey, parlant de choses qui se font plus, en 1992, on avait la sortie du Sega CD en Amérique du Nord. Puis ça, mes amis, ça se vendait pour 299,99. En 1992, on pouvait jouer à... C'était quoi? C'était Sewer Shark qui venait avec, je pense? Il n'y a pas un jeu de rape c'est aussi. C'est pas The Rape? De quoi? Un jeu de rape au Sega, là, genre une affaire Drape? De... Rape? Rape, ou... genre R-A-P-E. Je pourrais pas te dire. Il n'y a pas un jeu qui avait fait... Non, mais j'avais vu ça. C'est au Sega CD, au Sega 32X. C'était dans le temps des premiers jeux de FMV. Puis c'est dommage qu'Eric soit pas là parce que je suis sûr qu'Eric saurait exactement de quoi je parle. Je pense qu'il parle du jeu le Night. Night Raid. Johnny Gretzky. Gretzky est dans le chat, il va pas nous arranger ça. C'était un jeu super violent qui a comme vraiment fait. Je me rappelle que ça avait. Comme on dit en bon français, ça brassait de la merde. Night Trasher. C'était. Je me rappelle parce que moi, dans ce temps-là, j'étais. Johnny Gretzky, oui. C'est quoi le jeu Night Trap. Bon, boom. Mais moi, j'étais PC gamer, c'est que là, c'était les premiers jeux de FMV, puis on avait Windows 95, avec, tu sais, la vidéo de Weezer qui venait sur le CD. Puis les premiers jeux avec du FMV, puis c'est là que Sega CD est arrivé aussi, avec, justement, les premiers 3DO un peu plus tard. Là. Ouais. C'est ce que je sais de l'histoire du jeu vidéo, c'est ça, mais je me rappelle toujours du jeu qui était connu comme par les gouvernements, comme les jeux où tu devais violer des gens. Évidemment... c'est de la, du point de vue des, du gouvernement ou ce que c'est d'après moi il y a personne de la musique avec la guitare est un fils de Satan. Jeu, d'après oui, moi non, ça c'est ça. Comme la fille de la reporter de Fox qui disait que Mass Effect 2 était un simulateur de sexe alien en ligne interactif que clairement elle n'avait pas joué au jeu puis elle voulait juste foutre la merde. C'est là que tu vois que les médias et le gouvernement n'exagèrent pas depuis hier. Non, exactement. Sais-tu qu'est-ce qui a changé depuis hier, André? Ben probablement je sais pas qu'est-ce qui a changé depuis hier. Là on parle encore du Sega CD. Oui, encore du Sega CD, pas yesterday. OK. Tu sais, on s'entend, quelqu'un qui achète un Sega CD en ce moment, évidemment il nous faudrait un Dominique Bourret avec nous pour nous dire comment que ça se vaut sur price charting. Mais si le Sega CD qui coûtait 299$ à l'époque sortait aujourd'hui en dollars de 2018, on parle quand même d'une bébelle qui coûterait 536$. C'est presque le prix d'un Xbox One X. Fait que là, on vient-tu de prendre... Je sais pas si ça vient à un Xbox One X. Ben, peut-être avec un jeu, mais il me semble que c'est 500$ mais on parle de base. Non, le One X est un peu plus cher. L'inflation d'un gros 536$. Ça venait-tu avec un jeu, ça? Sega CD venait avec Street Sharks, si je me souviens bien, mais écoute, ça fait tellement longtemps, puis j'en ai pas eu, moi, fait que je pourrais pas le dire. Sega CD modèle 1, complete in box, 160$ aujourd'hui. Fait que ça vaut la peine d'attendre 25 ans, genre. Certainement. On parce économise. Que tu sais que l'inflation, dans le fond, c'est juste un concept pour comparer. Fait que tu serais gagnant à attendre. Versus, ouais, c'est pas juste ça, mais tu sais, je pense que ça vient de clouer le bec un peu à l'argument qu'on entend partout de genre « Oh mon Dieu, c'était tellement moins cher dans le temps. » C'était pas vraiment c'était moins cher parce que c'était tes parents qui payaient gros cap. Ben, t'avais ça, puis de deux aussi, le coût de la vie était totalement différent. Puis c'était quoi? C'était 5$, 6$ de l'heure, le salaire minimum? Ben, regarde, j'ai commencé à travailler, là. Oh my God, je suis rendu là, je peux dire ça. Ouais. J'ai commencé à travailler à 6,90$. En 96, guys, Pokémon Blue au Japon. Est sorti. Fait ça, que. On avait eu pas. Mais contrairement à ce qu'on a eu ici, c'était le red et le green qui sont sortis en premier au là-bas, Japon. Ils ont juste eu un bleu. Il n'y a pas eu un autre couleur. Ouais, mais il y avait le red et le green avant. Le green qu'on n'avait pas eu ici. Okay. Puis nous, on a eu carrément red and blue qui sont sortis en Amérique du Nord. Okay. En 2000, là, ça c'est quand même nice. On a eu le début de la série le 15 octobre en 2000 sur HBO. Le début de la série Curb Your Enthusiasm avec Larry David, qui présentement est un de mes memes les plus délicieux à cause de la chanson thème qui est tellement ironique puis qui peut faire des Christy de beaux memes. Fait que c'est Curb Your Meme dans le fond ou Curb Your Whatever. Allez regarder ça sur YouTube. Le meme il est arrivé un bon 15 ans après la... Pas 15 ans après la fin, ouais, mais 15 ans après le début de la série. Ben, tu sais, c'est là que tu vois que c'est l'Internet culture qui va rechercher des affaires, mais c'est, ils ont capturé l'essence. C'est le monde qui a vieilli avec ça aussi. Ben, c'est ça. C'est que t'as écouté ce show-là, tu l'as apprécié, puis là, l'essence de ce show-là est capturée dans 3-4 notes. Ton, ton, ton. Puis là, t'as le bout de la toune qui embarque, là, c'est ça, exact. Fait que tu sais, ils ont réussi vraiment à capturer ça. En 2002, une triste nouvelle pour le monde du cinéma. Simple Plan sort leur premier album. No c'est balls, ça, no helmets, just pads. Non, il y a Drew Barrymore et Tom Green qui se divorcent en 2002. Tom Green n'a plus été le même après weird, ça. C'était weird, hein, pareil. Ce qui est également le déclin et la disparition de Tom Green. Tom Green, je pense. Pour vrai? Mais ça, il a pogné un cancer. Tu sais que c'est un fellow Canadian, il vient d'Ottawa. Fait que Drew Barrymore donne... My God. C'est quand tu tiens trop avec E.T., tu pognes de ça. Quoi. Oh. Il donne des cancers des gosses. Aux mais je m'en ai fait une joke, genre Tom Green a disparu, mais là tu me dis qu'il n'y a pas rien de cancer. Ben, il fait du de la testicule, bière, Tom puis... Green. Non, ben en fait c'est Bose qui ont fait une bière inspirée de lui. Mais il n'y a pas d'une scène avec ça, lui. Ben je sais pas, peut-être. Je dis ça de même. Moi, s'il n'y en a pas, il change de manager. C'est ça, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il dise, là, parce que. Son PR manager, anyway, il a tout le temps été sur la coche. Hey Chuck, il dit il a fallu que je google Tom Green. Ouais, ouais. Ben, tu sais, quand tu dis que ta scène la plus mémorable au cinéma, c'est toi qui joues de l'orgue avec des saucisses qui dandinent avec une corde. Exactement ça, je pensais. C'est Chris, c'est man. La, c'est ça résume la... ta carrière, là. Il masturbe pas un cheval, genre, un moment donné, ou de quoi de même. Peut-être. Hey, mais moi, j'ai. Ça me gosse depuis que tu l'as dit, là. On parlait de cancer des testicules tantôt, fallait que j'utilise le mot, ça me gosse. Curb Your Enthusiasm, c'est-tu, elle, la série qui a eu des easter eggs de ça dans un des films de Marvel, quelque chose du genre, où c'était une autre série de HBO qui avait eu des... Ça a comme... J'ai entendu parler de ça, qu'il y avait eu... Les créateurs avaient fait des cameos de leurs personnages, puis dans le générique du film, à la fin, genre, ça marque genre... un remerciement à HBO d'avoir prêté le... Sauf que... Il y a des gens qui vont falloir qu'ils me corrigent, parce que je me rappelle pas si c'est... Curb Your Enthusiasm ou une autre série. Écoute, je pourrais moi, pas te dire. Une autre parce que ça me dit absolument rien, une référence à Curb dans Sauf d'un autre côté. C'est pas un easter egg, là. C'est pas quelque chose de super subtil. Okay. Mais j'ai pas tout fini d'écouter les films. Là. De toute façon, je suis deux ou trois films en retard. Hey, Chuck s'est repris pendant notre déboire en mentionnant qu'il se souvient de Tom Green dans Charlie's Angels pour le Chad. Oui. J'avoue que le Chad, je l'avais oublié. C'est un bon personnage, ça. Merci. Ben, c'était justement à l'époque qu'il sortait avec Drew, qui joue dans le film, qui produit, me semble, le film aussi. Ouais, ou de quoi de même. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une job. Puis moi, je confirme que c'est un cancer de la testicule droite à 28 ans. C'est fucking mais crazy. Il est en vie à ça, il est correct. Okay. Il doit manquer une couille, là, mais... D'accord. Ah, je viens de trouver ma réponse. C'est Arrested Development. Ah. D'accord. Et non Curb Your Enthusiasm. En 2017, on va terminer là-dessus. C'est une note un peu plus sérieuse, mais... Hey, des fois, Internet, ça va tellement vite. Des fois, il y a des choses... Que... Ben, c'est important quand même. Puis, tu sais, on a beau faire des jokes sur un paquet d'affaires dans la vie du collectif. En 2017, Alyssa Milano tweetait... If you've been sexually harassed or assaulted, write Me Too. Puis il y a eu un paquet de réponses sur Instagram, Twitter, Facebook. Fait que le début du mouvement Me Too, le mouvement Me Too a déjà un an. Ça a eu beaucoup, beaucoup d'incidences dans le monde. Radio-Canada en parlait, je pense, cette semaine aussi également. Ah ben ouais, je l'ai entendu, moi. Fait que tu sais, ça fait un an le Me Too, puis c'est quand même de quoi de big. Puis c'est un bel exemple de comment Internet peut commencer à changer le monde encore une fois puis affecter le monde. Depuis les permettre aux gens de se regrouper. Puis on va dire ce qu'on veut dire de ce mouvement-là. Oui, il y a eu des dossiers qui étaient un peu plus chauds. Il y a eu beaucoup d'interprétations de chaque côté. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais je pense que c'est important de parler de ce genre de choses-là. Et ça fait un an aujourd'hui que grâce à un simple tweet d'une personne, on a commencé à en parler. Puis faudrait que j'aille retweeter son tweet. On parle des fois de... Je veux pas tomber dans un sujet qui est un peu fait tabou au collectif, là, mais le mouvement MeToo, c'est gros. C'est, comme je disais tantôt, ouais. je viens de parler du printemps arabe. Selon moi, ça a eu un impact aussi grand. Le printemps baiser arabe ou... Non, ou arabe. Celui qui a été... En qui Égypte, a été, ouais, mais qui a commencé en Égypte, en Tunisie, dans tous les pays arabes. En fait, c'est grâce à Twitter qu'il y a eu les révolutions. Je n'étais même pas familier avec ça, en fait. Oui, mais le printemps des Érables, le printemps arabe est un genre de réappropriation culturelle du printemps arabe par les étudiants. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est vrai, le pays. C'est le même monde qui vont le dire. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est... je vais faire juste un clin d'œil. Durant notre petit break, pendant qu'André était au Japon, on a eu nos élections. Oui. Et grâce, en partie, à MeToo, ma circonscription n'est plus libérale depuis toujours. Pour ceux qui ne savent pas, Parc Extension fait partie Slavounos. De ma, ouais, Jerry Slavounos, qui était un des députés libéraux, qui a été victime de MeToo. Fait qu'il y a beaucoup de répercussions. Ben, oui, il était victime ou... Ben, il a été prédateur pour commencer et il est devenu une victime au sens littéral et non au sens propre, dans le sens qu'il a perdu sa circonscription, il a perdu ses élections. Fuck lui. Puis c'est vrai ce que tu dis, iChuck. iChuck est dans le chat présentement, puis il nous dit ça fait un an, puis la société sait toujours pas comment gérer cette affaire-là. Je pense que la société ne saura jamais comment gérer cette Comme dans n'importe quoi, puis je veux pas m'éterniser, mais ceux qui ont écouté le film de Big Short, allez-y, écoutez ça vaut la peine. C'est une pièce d'anthologie. Puis petit clin d'œil, on va parler de la. Je sais même pas de quel film tu parles. Le Big Short, c'est un film qui parle en gros. Sur la bulle financière. La crise économique de 2008. Ouais. Ah, okay. Mais c'est ultra. C'est basé sur des faits vécus, mais c'est pas un documentaire. Puis c'est plein d'acteurs connus. Et les créateurs de ce film-là sortent un film dans lequel on va peut-être parler tantôt. Anyways, que ce soit le Big Short, c'est-à-dire la crise économique, que ce soit la commission Charbonneau, que ce soit Me Too. Bouchard, souvent, t'as toujours un ou deux ou trois ou quatre. Là. Ça dépend, tu sais, comme Weinstein, Roson et compagnie, Salvay et whatever, qui deviennent des victimes. Puis t'en as une trollée qui s'en tire, tu sais, qui font juste comme fly low under the radar puis s'en tire bien. C'est le même principe dans l'économie en 2008. Il y en a plein qui ont... Il y a eu une banque qui a été fermée par le gouvernement. Ouais. Puis c'était pas la pire. Là. Il y en a plein qui étaient encore 10 fois pire, qui ont comme juste... Fait de la corruption. Sur une note peut-être un peu plus émotive aussi également, si vous n'avez pas vu The Big Short, il y a une scène avec Anthony Bourdain à l'intérieur, qui Anthony Bourdain explique un peu sa femme, avec une métaphore avec le restaurant, qui explique un peu comment avec des mauvais prêts et des mauvais investissements, ils sont capables de les réutiliser pour faire d'autres choses. Donc il parle d'un poisson, puis il est là, puis très très dans son éternel personnage qui est lui-même, dans le fond, qui joue pas. Anthony Bourdain, il joue toujours Anthony Bourdain. C'était une belle scène, puis je viens de penser à ça, dans c'est le fond. C'est qui donc sa femme, lui? c'était pas... c'est une jeune espagnole. Mais c'était pas la fille que t'as dit, là. Non, t'avais Alyssa Milano qui était à l'origine de Me Too, puis t'avais une autre fille qui était controversée. Elle a sorti, c'est elle qui a stoulé Harvey Weinstein, mais ouais, ouais. Mec, elle aussi, s'est fait elle, un peu, elle a violé un petit gars. Ne débordons pas trop dans ce genre. Octavia Bouzia. Elle a. Oui. Violé Weinstein, a violé. T'sais, non, non, mais elle a. C'est ça, Asia, exactement. Octavia Argente. Ouais, mais c'est allegedly violé. Ouais. On va rectifier tout de suite parce que maintenant sur Internet, on sait jamais. Check bien le montage, je trouve ça super poche d'enchaîner avec genre Asia Argento puis whatever puis parler de l'autre sujet, mais faut qu'on le fasse, c'est dans les nouvelles. Mais c'est à cause que t'es allé en ordre de ouais, j'étais allé en ordre de croissant, mais c'est juste parce t'aurais que là t'aurais commencé par ça puis t'aurais fini par Charlie Chaplin qui est Hitler. C'est je vais le faire inverser la prochaine shot, t'as un bon point, tu sais, je pense ben, que quand je remonte dans le temps c'est moins glauque. Mais somme toute, le 9, 10 et 11 novembre prochain, au Marché Bon Secours à Montréal, il va y avoir l'édition 2018 de Mega Montreal. Mega Montreal qui est dans le fond une genre de convention, un conventum sur des jeux vidéo. Puis ça va être vraiment intéressant là-bas. Il va y avoir plusieurs jeux sur place. C'est sponsorisé par plusieurs compagnies aussi également. Vous allez avoir la chance d'essayer des produits, d'assister à des panels. Puis ben on vous invite à commencer à vous intéresser à Mega Montreal. Surtout si vous aimez le collectif, parce que sans vous dévoiler tout ce soir, ben il va y avoir une implication du collectif dans ce Mega Montreal 2018. Puis ça va nous faire plaisir de partager ça avec vous. Fait que j'espère que vous allez vous amuser. Ça fait c'est là qu'on fait le flash mob, là, qu'on danse. C'est là qu'on fait le flash mob, tout le monde rentre en pièce. Puis on se met à jouer avec des instruments Lego à la Jimmy Fallon. Mais il y a peut-être une dernière nouvelle aussi que je vais annoncer. Il va y avoir un épisode hors concours du collectif qui va se filmer sous peu aussi également. Je vous en ai pas parlé, guys. Mais j'ai eu le plaisir d'aller pendant les trois dernières semaines, qui justifierait peut-être un petit peu l'absence du collectif sur Internet. Mais j'ai eu le plaisir d'aller avec ma copine faire le tour du Japon. Donc on est allé faire un beau voyage là-bas, puis je me suis dit tant qu'à en parler en 5-10 minutes, puis avec tout le travail qu'on a mis dans ce voyage-là, j'ai le plaisir de partager le WEG en fin de semaine avec Johnny Gretis qui est dans le chat présentement, Larouche, on a Cédric qui va être là aussi également, puis plein d'autres gens qui ont refait le tour du Japon, eux de leur côté aussi également. Donc on va enregistrer un genre d'épisode hors série du collectif qui va avoir un peu comme but qu'on partage un peu c'était quoi notre voyage, comment on a trouvé ça. On va partager aussi également les trucs pour planifier le voyage. Commandité par l'association culturelle. Ouais, on va faire un... peut-être pas au WEG, là. En réalité, ça va sûrement se passer ici par la suite. Mais tu sais, ça va être vraiment pour les gens que ça intéresse. Fait comme ça, si t'aimes pas ça, ben, tu l'écoutes pas le podcast puis ça arrête, là. Mais ça va être un one-shot hors concours. Comment on a planifié notre voyage. Hors série, oui. Merci, Guillaume. Donc, comment on a planifié le voyage, comment on a fait les choses, tout le kit. Fait que si jamais ça vous intéresse de découvrir un peu plus sur le Japon. Si jamais vous connaissez des gens qui travaillent à l'association touristique du Japon ou l'organisme qui gère le... Dites-leur qu'on peut avoir une commandite, on dit pas non. Du monde à l'ambassade du Japon, le Corée, là, là. Oh. Fait que ça va être à suivre, fait que stay tuned, guys. Donc, sur ce, on va enchaîner avec l'épisode 4. Y a-t-il une ambassade japonaise au Canada? Probablement. Au Québec. Sûrement à Ottawa. Probablement à Ottawa, effectivement. Là. Je sais qu'il y avait une ambassade canadienne là-bas. Mais guys, en réalité, là, c'est super simple. Là, ce qu'on va parler ensemble, c'est on va vous parler un peu de ce qu'on attend du restant de 2018. Il y a tellement de produits qui s'en viennent, il y a tellement de contenu. C'est sûr et certain, c'est un podcast qui s'appelle Geek Collectif, donc on ne parlera certainement pas des prochaines œuvres littéraires qui vont sortir. C'est ça, exact. J'ai appris aussi qu'on ne parlerait pas du prochain tome de Trois fois par jour, mais... Mais on pourra en parler à la limite. Mais j'ai pas eu trop de peine. C'est un geek culinaire. Mais tu ris, mais tantôt, je vais avoir un sujet qui va venir rechercher de façon un peu poussée ton Trois fois par jour, puis tu vas comprendre c'est quoi exactement. Jean-Philippe, le cuisinier végétarien? Non. Une chance. Ça, c'est lui qui était à Tout le monde en parle, ça? C'est qui, peut-être. Lui? Peut-être. Il était dessus. C'est pas, j'entends parler de lui à la radio. C'est un genre de cuisinier, je pense qu'il est bouddhiste, puis végétarien. Il est pas vegan? Oui, ben vegan, végétalien, whatever. Ovo-vegan? Ou je ne sais pas, mais il mange pas de viande. Non, pas de miel, pas d'œuf. C'est ça. OK. Le gars de l'air plate en esti. La misère à vous suivre en esti, mais je sais pas. J'ai la misère à me suivre moi-même. Parfait. Génial. Fait que, guys, vous voulez faire ça comment, dans le fond? Moi, dans ma tête, Ce que je voyais, c'est qu'on pouvait parler peut-être un peu de façon ad lib, juste échanger autour de la table, façon un peu plus relaxe à soir. Mais... On peut aller par catégorie, puis on se laisse aller, on se lâche juste après. Ouais. Hein? Clairement, fait que vous vous attendez à quoi du restant de 2018? Mettons, là, si on parle le côté... On va faire les films, puis on va regarder le jeu vidéo pour après. Fait qu'on va commencer tout de suite le côté cinéma. Qu'est-ce que vous attendez du restant de 2018? Moi, j'ai... Un, puis là, j'ai l'impression que je vais faire deux frustrés, là, Deux frustrés? Pourquoi? Deux fâchés, parce que je vais comme voler le film qu'ils vont peut-être vouloir dire. Moi, c'est Battle Angel. Alita. Alita qui s'en vient. Qui... Attends, Battle Angel, puis moi... Alita, Battle Angel, j'ai aucune idée c'est quoi, fait que je pouvais pas te voler rien. Ah, ben, tu vois, c'est un film qui a fait énormément jaser sur les internets. La bande-annonce est sortie déjà quand même presque plus que 6 mois. C'est produit par James Cameron, c'est du live action animé à l'ordinateur un peu, mais très réaliste là. C'est ultra réaliste, tu sais, c'est quasiment du niveau là, de Princesse Leia dans Star Wars là, de Rogue One. Puis c'est en gros une conversion, pas une conversion mais une conversion d'un animé japonais en cinéma. Puis c'est l'histoire d'une espèce d'androïde qui a des pouvoir qui devient finalement une machine à tuer. J'ose pas trop en dire parce que je veux pas... Es-tu basé sur quelque chose? Parce que je suis basé sur des mangas. Sur un anime qui est basé déjà dans le fond. Des mangas, puis les mangas ont fait ça des animés. Ça explique pourquoi que j'ai aucune idée. Mais honnêtement, quoi. Les bandes-annonces sont assez... Écoute, moi j'ai vu cette bande-annonce-là, puis j'ai eu le même genre d'effet dans mon corps quand j'ai vu Cyberpunk 2077, qui est une autre catégorie, on rentrera pas là-dedans tout de suite. T'as-tu vu la vraie série? Tu sais quoi déjà? Ça fait très longtemps, honnêtement. Okay. Je devais avoir comme... Et quand on sortait là, bout, au labyrinthe, là, j'ai acheté nos t-shirts de Gundam. Là, ça fait un crisse de bout. Là, je pense que j'avais 22 ans. Hey, le labyrinthe, my God. J'ai quel vestige 22 de la rue Sainte-Catherine. Avoue qu'à toi, la première fois que tu rentres là, t'es un peu à chienne. Ça doit faire... ouais, la première fois. Là. Moi, je me souviens de l'odeur du labyrinthe. Tu rentrais et tu fais comme... Ça sent le vieux sol. Moi, j'ai eu ma première peine d'amour. Ma première peine d'amour corporative quand ils ont fermé le comic book shop du labyrinthe. Ouais. Mais il n'a pas duré longtemps. À voir comment que le gars en arrière du comptoir s'en calissait. Je suis surpris. Je pense que j'ai vécu le. Ou comme dirait Eric, j'ai vu la vie du comic book shop du labyrinthe C'était cool parce que tu peux acheter genre un comic, un. Comment ça s'appelait? Les Graveyard Dolls. Puis un jackknife, ouais. Tout à même une place. Pipe à hache, puis un chandail des Scatatonics, ou je sais pas trop quoi. Un poster oversized, puis un... Fait que Battle Angel Alita. Pour moi, ça, c'est vraiment mon genre de moment Star Wars de l'été. Il y a pas de Star Wars. Ouais. Qui sort cet hiver pour la première fois en comme 3 ans. Puis ça, je pense que ça va être le film qui va être mon moment. Moi, je l'avais oublié. C'est pas que les autres films m'intéressent pas, mais c'est vraiment, lui, c'est vraiment comme... mon target, le prime spot. Là. C'est con à dire, parce que tantôt, ce que je faisais, c'est que j'ai regardé un peu dans notre préparatif du show, puis je me suis pris des notes, puis j'avais carrément oublié que ça sortait cette année, ça, Battle Angel, puis moi, je suis hypé pour ce film-là, puis je suis content d'avoir oublié que ça sortait, parce que là, je m'en suis rappelé ce soir, puis ça veut dire que je vais être under hype pour quand ça va sortir, je suis sûr et certain. Mais en plus, ça sort le 21 décembre. Il y a genre 14 millions de films qui sortent pas le 21 décembre. Pas sûr que tu vois avant mi-janvier. Ben, sais-tu quoi? Ça dépend, parce que maintenant, dans ma carrière, j'ai la chance de pouvoir avoir quelques journées de congé pendant le temps des fêtes. Oh. Puis, dans la merveilleuse ville où je demeure présentement, ben, le cinéma ici, il est... Il y a un cinéma ici. Puis, il passe des films en anglais même. J'ai resté surpris. Je m'attendais à ce que ça soit principalement francophone. Puis, ça a une grosse... on the river. Exact. On the lake. Puis, il y a une grosse communauté anglophone aussi, apparemment, dans le coin. Fait que, de Montagne, c'est cool. La moitié de la ville, à peu près. Ben, je pense que c'est 40... Bon, tout d'attaque, j'ai peut-être de Montagne, c'était une quarantaine de pourcents qui étaient anglophones. Les Indiens. Fait que tu vois, c'est super nice, fait que je vais pouvoir aller le voir là. Fait que Battle Angel Alita, ça c'est quand même assez malade. Là, toi, j'imagine, tu vas nous parler de Into the Spider-Verse, Guillaume? Ben, j'aurais pu, mais honnêtement, c'est pas un film que je vais aller voir au cinéma. Ah oh, non! C'est le cartoon, non, ben, ouais. Fait que, ben, c'est ça, faut mettre en circonstance aussi que le 21, il y a 5-6 films qui sortent. 4 films qui... Ben, il y en a 4 que j'ai noté, mais c'est comme on parle de Bumblebee, Backseat, qui va être un film à voir. C'est quoi ce Backseat? C'est le film où Christian Bale joue Dick Cheney, l'ancien vice-président américain. Le film que j'irai pas voir. OK, fait que je vais aller voir un film... Non, mais honnêtement, tu sais, j'ai pas juste mis des films geeks, là, j'ai mis des films de qualité. Non, c'est correct. Étant donné qu'on est des fans, mais Christian Bale a le don de se transformer pour ses rôles. T'sais, on parle là, c'est le machiniste qui avait joué juste avant Batman. Il a perdu plein de poids. Puis ouais. Il pesait comme, je pense, c'est 110 livres. Puis Batman pesait comme 225 livres. Puis le gars se transforme. Puis tu sais, quand il parle de, c'est du method acting, c'est comme, je pense que Christian Bale, c'est le, en anglais, on dit l'embodiment. Ça doit pas être bon pour son corps, par exemple. Il y a eu des études universitaires, là, des gens au doctorat, à la maîtrise, qui analysent, en tout cas qui veulent analyser, qui veulent essayer de trouver une conclusion justement sur l'impact que ces acteurs, un peu comme j'oublie tout le temps son nom, le petit gars dans Superbad là. Non mais le petit gars dans Superbad, comment il s'appelle, mais qui joue dans Maniac là, qui joue dans Maniac, 21 Jump Street, bon ben lui, Johnny Depp, non, John Hill, merci à The River sur le chat et I check John Hill, c'en est un autre justement que d'un film à l'autre, tu fais comme coller que le gars il est morbide, puis l'autre tu dis coudonc, y a-tu la peau tapée en mais corps? Mis à part le fait que Christian Bale transforme et gagne et perd du poids, mais c'est que le film justement il y a des là on c'est peut voir comme j'ai un genre d'overflow d'informations, c'est que j'en ai perdu des bouts, mais c'est l'équipe le cast en arrière de ça, l'équipe technique est excessivement c'est pas des deux pics là. Puis c'est une ère qui est assez particulière. On a vécu beaucoup l'ère Dick Cheney, George Bush. Ça, mm-hmm. C'était avant l'ère Obama. À notre âge, on a un peu entendu parler beaucoup de ça. Là, les tours du 11 septembre. Dans le temps, avec Colin Powell, tout ça. C'est que ceux qui sont un peu intéressés à la politique américaine, à la politique internationale, c'est le fun d'avoir un regard différent. Puis moi, c'est très, très... je m'appelle pas René Omerois ou whatever, là, mais... Selon moi, ce film. Thank God. Ouais. Je sentirais un peu moins de formol. Tu serais peut-être pas dans mais, le podcast. Selon moi, ce film-là, The Backseat, peut avoir l'impact qu'un Nixon ou un JFK a eu dans les années 90-2000 au niveau de la qualité, de la production, de tout l'impact que ça peut avoir. C'est vraiment un film à grand déploiement, mais un film bien fait. Mais c'est de savoir si c'est aussi intéressant, parce qu'on s'entend que JFK, il y avait de quoi d'assez hot à trouver là. Là que selon moi... C'est encore supposément pas résolu jusqu'à là. Puis Nixon, c'est un gros crise d'accrosseur. Oui, mais honnêtement, avec des artisans de qualité, tu sais, le fameux, le ça peut être du bon fait. Vendeur qui dit qu'il y a de vendre un frigo mais à ça un intéressant. Un mais dans l'esprit de la masturbation intellectuelle, selon toi, quel Academy Award vont gagner le film de Backseat? Ben là, ça dépend, ça pourrait être... Non, mais mettons, gars, on prend un meilleur acteur, ça pourrait être Christian meilleur Bell. Écriture, meilleur réalisateur, ça pourrait être meilleur... direction artistique. Meilleur non, peut-être pas nécessairement... Photographie. Costume mais d'époque. Les costumes, maquillage, ça peut être... Non, mais là, nomme-moi pas toutes les catégories. Non, mais toutes les acteurs trouver un complet de 2001, c'est pas évident. Black Panther, en ce moment, il y a beaucoup. Ils seront pas dans la même année, anyways. T'sais, Black Panther, il est dans les prochains awards. Tandis que Backseat, à cause de ça, le 21 décembre, il reste dans l'autre batch d'après. T'sais, on s'entend. Ouais, mais Black Panther, on s'entend Black qu'il va Panther, gagner à cause de racial stuff. Peut-être, mais il gagnera pas les mêmes genres de prix. J'espère que Backseat non. gagnerait. Ça va être best actor. Ben, les deux peuvent gagner best actor, mais. Non, pense moi, pas, non. Moi, j'ai non. l'impression que ce genre de formule-là, ils vont aller nous chercher un genre de... Moi je pense, tu regarde, OK, juste en décrivant Fred Sec de même, là, on part un pool d'avance, là, mais il est très tôt dans l'année pour... Tu sais, à la fin des Awards, parce que Backseat va sortir très tôt dans l'autre période d'Awards. Mais je pense, tu sais, Best Supporting Actor... Moi, je cale la shot, là, il va y avoir un Best Supporting Actor ou Actress là-dedans. Puis, ça va être sûrement genre Best Adaptation, quelque chose de même. On parle de Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, qu'on connaît de nom. Rockwell est là-dedans? Oui, oui, il y a Tyler Perry. Tyler Perry, c'est un nom qui est moins là-dedans, connu, mais... Rockwell, le gars qui chantait là, Somebody non, non, watching pas you. Mais, tu sais quel titre tu parles? Oui. Mais c'est sûrement pas lui, non. Non, ben il s'appelait pas Sam Rockwell. C'est écrit et réalisé par Adam McKay. Adam McKay, je suis en train de sortir sa affiche pendant qu'on en parle, mais c'est justement quelqu'un qui c'est pas un gars qui fait des films popcorn, c'est quelqu'un qui va justement mettre énormément d'efforts dans son art, donc je suis pas trop inquiet. Puis c'est pas, c'est sûr que c'est pas un film typique geek collectif, là, on s'entend là. Non, non, mais c'est pas mais un c'est Battle bon Angel Alita, c'est fois. Pas un, genre, un Aquaman. Mais ben moi, pour un fan de cinéma, pas voir ça au cinéma. Non, non, j'attendrais plus que ça soit. Même moi, il y a des fortes chances que j'aille pas le voir au cinéma parce que justement, moi, j'aime aller voir un film. Je vais même aller voir un film mauvais au cinéma. Juste pour sortir de la maison. Puis plus... Non, non, non. Si il y a une valeur ajoutée d'avoir un écran de 125 pieds puis des systèmes de son de fou, tu sais. Genre Predator que tout le monde sait que c'est pas bon. Ou Step Up 4. Ah, mais imagine-toi les 300 livres qu'a pris Christian Bale. Comment tu vas pouvoir les enjoy encore plus sur un écran de 200 pouces? Bon. Ouais, mais c'est encore plus hot chez vous en 4K. Bon point. Fait que là, on a Backseat. On a Alita Battle Angel. Hey, moi, mais, je vais... moi, on peut-tu partir d'en haut? Parce que si je check la liste, là, moi, je suis un gros fan, puis je le savais même pas. Il y a un nouveau Halloween qui sort le 19 octobre. C'est pas ça. C'est vendredi, Joe. Ouais, mais je le savais pas. Qu'est-ce que t'as pas vu le trailer avec Jamie Lee Curtis? C'est pour ton information. J'ai vu Jamie Lee Curtis rater des bonbons d'Halloween sur Internet dernièrement. Ok, mais mettons là, check. Toutes les signes pointent à ce que quand il dépoussière Jamie Lee Curtis puis qu'elle commence à avoir de l'exposure en 2004, il y a un film qui sort. Je trouve que j'avoue souvent pareil, mais c'est hot. Nick Denomé va peut-être vouloir me sacrer une claque en arrière de la tête, mais de mémoire, c'est. Ça se passe après le premier film, puis c'est comme si toutes les autres Halloween qui ont fait n'ont jamais existé. Mais, ils ont fait un Disney. Genre, non, mais je veux dire, un. C'est comme si c'était le vrai Halloween 2, mettons. Ok. Parce que le 2, il suivait bien le 1. Mais, le 3 ou c'est peut-être le 3 qui suit le 2, mais c'est une affaire d'avant. Le 3, il n'y a pas rapport. C'est une grosse mode de ce temps-ci. Il parle aussi de faire un autre. Puis à soir, j'ai le cerveau qui est dans la compote, là. Mais il y a un autre film qui s'en vient comme ça, là, qui va faire comme. Ils vont sortir le film, puis c'est comme si toutes les autres n'avaient pas existé. Là. Ils vont comme faire un genre de soft reboot. Là. Je le verrai pas avant Noël, probablement. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours dit que. Puis ça, mon opinion qui est complètement la mienne, là, la série Halloween était la plus poche des séries de films d'horreur. Tu sais, quand on parle à Freddy, à Jason. Critters, toi, c'était pas. Ben, Critters, moi, j'appelle ça. Ça rentre dans la même catégorie que Arachnophobie. Là, les comédies. In the Hood. Là. Ah, fuck. Arachnophobie, c'était bon, par exemple. Ouais, mais à la base, c'est une comédie, tu sais. C'était ouais, bon, ouais, mais c'est ça. Mais non, Critters, mais c'était pas Eight-Legged Freaks, la comédie. Critters, c'était un compé. C'est ce film-là que je pense que le 2, c'était le premier film ever de Leonardo DiCaprio, quelque chose du genre. Attends, DiCaprio jouait dans Critters 2. Ouais, mais ça, c'est en enfant. Fuck. Jennifer Aniston, son premier film, c'est quoi? Non. Leprechaun 1. La preuve que tu peux toujours te relever. Oh, peu importe comment que la vie t'a collé ça. Dans le temps, ces films-là, c'était hot. Là. C'était aussi bien fait qu'un blockbuster, quasiment. C'est juste qu'à Star, ils ont le même budget qu'il y avait dans le temps, eux autres, tandis que les blockbusters, ils ont des milliards. Quasiment. Ah, mais crème. Fait que dans le fond, Halloween. Ouais, Halloween. Serenity, c'est quoi? C'est-tu la série qui a. Un film non, qui a rapporté. Ça n'a absolument rien à voir avec. C'est pas lié avec Firefly. Ça n'a rien à voir avec Firefly. Mais regarde, si tu me donnes 10 secondes, là, je vais te dire le cast. Un. Deux. Matthew McConaughey. Diane Lane. Mais j'ai aucune idée c'est quoi ça. Carlos, il y a qui d'autre là-dedans, man? C'est une affaire de thriller. Le gars, c'est un chauffeur de bateau, genre que. C'est son ex qui vient demander de tuer son chum actuel. Une fille quelconque qui veut qu'elle tue son chum. Mais c'est ça. Ouais. Anne Hathaway, Jason Clark, Jimon Unsu. Jimon Unsu, c'est. Le black dude le trainer dans Never Back Down aussi mais qui joue dans Gardien de la Galaxie et qui va être aussi dans ouais, Miss Marvel ouais. Qui joue un des extraterrestres c'est lui Miss Marvel oui en effet oui. Jeremy Strong écoute il y en a là des fois ça ne vaut pas la peine de name drop les noms si vous êtes comme moi les noms vous allez les oublier dans 10 secondes ça vaut la peine d'aller voir sur IMDB Serenity évidemment pas le film avec l'autre dude dans un vaisseau spatial mais on est dû pour un bon thriller avec Matthew McConaughey moi je me rappelle de Lincoln Lawyer que c'est un de mes films préférés encore ce jour fait pas le film avec Lady Gaga Bradley Cooper ça non c'est Bradley Cooper ça c'est A Star Is Born apparemment Bradley Cooper petit aparté chante pour vrai dans ce film là oui, j'étais mindfuck quand j'ai entendu le trailer je l'ai réécouté une autre fois mais après, c'est un genre de film que tu vas voir avec ta mère là. Ben c'est-tu quoi moi j'ai le goût de le voir tout seul. J'ai le goût de le voir. Les critiques sont tellement c'est bonnes. C'est malaisant, Guillaume, de te masturber à côté de ta mère au cinéma. Fait que, on a Overlord qui sort le 26 octobre. Je suis avec Nicolas Cage. Overlord. Qu'est-ce qui est pas avec Nicolas Cage en 2018? Yeah, c'est quoi Overlord, Guillaume? Overlord, c'est honnêtement, si j'avais à choisir un deuxième film dans ma série là, de genre de must ici. Là, dans ta liste? Là. Dans ma liste, ça serait celui-là. Ah ouais? C'est un. Ça me dit de quoi? Imaginez, je sais pas, c'est quoi. Je vais vous donner là, le synopsis qui est non officiel. Là. t'es J.J. Abrams. Ton neveu vient t'expliquer, genre, Wolf of Wolfenstein, là, Return to Castle Wolfenstein. Ça veut dire Wolf of Wall Street. Non, non, Wolf, Wolfenstein, le reboot qu'ils ont fait là, récemment. Le jeu, là, le jeu ouais, vidéo. Ouais, donc, on parle ça? D'un Deuxième Guerre mondiale avec des nazis qui font des expérimentations. Dans le fond, les nazis qui ont gagné, puis... Genre, mais je parle plus au niveau de l'aspect science-fiction, mutation. Okay. Ah, fait que c'est comme virus. Puis c'est en gros... le talk show avec François Massicotte puis Mike Bossé. Non, le film dans le temps là, qui se passait sur un navire russe où il y avait un signal extraterrestre qui prenait contrôle. C'est le premier film R-rated de J.J. Abrams qui se passe en Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'il imaginait des scènes à la... le soldat Ryan. Tu sais, là, où est-ce que les guerres, les balles, là, ils cherchent leur trip à terre. Genre, là, c'est que ça va être très graphique. Et ça vire, la bonne annonce est vraiment bien faite. Puis ça vire sci-fi, horror, all over the place assez vite. Cool. Puis tu sais, J.J. Abrams, il a le don de sortir des affaires assez flyées. Puis j'ai confiance en lui versus, mettons, un Zack Snyder qui avait un peu perdu sa touch. Mettons, là, de 0 à 10 en termes de lens flare, combien de lens flare tu donnes au trailer après l'avoir vu? Honnêtement, j'ai même pas remarqué aucune lens flare dans la bande-annonce. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il les garde pour le monde qui va voir ça le film. Non, mais ça veut dire que s'il y en a eu, ils ont été utilisés avec parcimonie. Comme Hitchcock dit qu'il est intrigué parce qu'apparemment ils ont montré le trailer pendant la première de Walking Dead, puis il disait qu'il était très intrigué. Fait que ça peut être génial. Là, Cam qui vient de jammer, fait que ça c'est génial. On va juste faire de quoi? Juste pendant que Milter a l'air d'un. Mais moi, Overlord, tu me le décris, je trouve que ça a l'air pas super. Ça me donne le goût un peu. Mais honnêtement, c'est. Moi j'aime les films qui. Comment je peux expliquer ça? Non, mais j'essaie de chercher mes mots en même temps. Qui sont capables de te surprendre. Tu sais, des fois, ils veulent faire de la surprise juste pour la surprise, puis ça devient cheesy puis fake. Mais lui, j'ai l'impression que, tu sais, ça sera pas... Tu restes mind blown à la fin, genre. Ouais. Mais tu sais, le seul problème, c'est que ça peut toujours virer un peu comme Lost, là, disons. Là. On va en parler tantôt, mais il y a une... Il y a une série que André m'a montrée tantôt c'est produit par le même monde de Lost puis tout. Mais ça a l'air bon. Contrairement à Lost, j'espère juste qu'ils vont avoir une histoire écrite tout le long et non inventer de quoi au fur et à mesure. Question de même avec le prochain film que je vois sur la liste, Bohemian Rhapsody. Un film sur Queen et Freddie Mercury. C'est ce que j'espérais dans le sens que... Si c'était pas sur Queen, j'aurais trouvé un peu l'emprunt de nom un peu. En fait, c'est. Si Alex Gréco est encore parmi nous, ce serait sûrement son film qu'il irait voir. Ça, c'est juste faire. Je dis ça juste pour faire de la polémique. Là. Honnêtement, j'adore Queen, mais. Moi, j'irais pas voir le film, mais je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Rami Malek. Je vais pas voir ça au cinéma, disons. Non, mais tu sais, Rami Malek, si tu me dis, il y a 2-3 ans. Deux ans, quand j'écoutais Mr. Robot, hey Guillaume, le gars que t'es en train de regarder va faire. Il va voir. Freddie Mercury. Qui va chanter? Je sais pas. Ça, on est encore trop tôt pour le savoir. Mais ils vont dire, c'est lui qui va faire Freddie Mercury. J'étais comme, de quoi tu parles, man, oublie ça. Ouais. Mais j'ai vu des. J'ai pas été voir de bande-annonce parce que j'ai pas le goût d'en voir. Mais j'ai été voir des captures d'images, des captures d'écran, des images. Et honnêtement, ça semble assez legit. C'est quelqu'un qui est un fan. The Queens, qui est un fan de l'acteur Rami Malek. Why not? Vas-y. Puis moi, j'aime beaucoup Queen. Peut-être ça m'intéresserait, mais pas au cinéma. Non, exact. C'est sûrement que je suis loin d'être un assez grand fan. Non, on peut faire vite. Là. On fait un petit. Ben, Dr. Seuss, The Grinch. Un petit sprint là, pendant qu'André travaille là-dessus. C'est le 2 ou c'est un reboot? Un reboot complètement. La seule raison pourquoi je l'ai mis là, c'est parce qu'on a quelques parents dans le collectif, dont moi et Milter, et parmi nos auditeurs. Et c'est Benedict Cumberbatch qui joue la voix. C'est complètement animé. On s'entend que The Grinch, c'est une série qui peut sortir aux 15 ans. Pogne une nouvelle génération avec l'acteur du moment, fait que ça intrigue un peu. Ouais, c'est juste que là, j'ai un peu. Je l'ai mis là pour justement ceux qui ont des enfants, mais j'ai un feeling qu'il commence à brûler le Grinch un peu. Il y en a eu beaucoup des dernières années. Ouais. Wreck-It Ralph 2, je l'ai mis là parce que tout simplement, c'est le plus geek des films de Walt Disney. Dans le sens que c'est un jeu vidéo. Ouais. Et en plus, dans le 2, il va y avoir des personnages de Marvel et de Star Wars. Vive ouais, la convergence. Ça, ouais. C'est excellent, le premier, en tout cas. Là. Ouais, c'est bien. Creed 2. Mais là, écoute, dommage qu'Eric soit pas là pour parler de... Enfin, je sais qu'Eric a bien hâte que Creed 2 s'en vienne. Moi, personnellement, c'est un des films que j'attends le plus. Ouais, ça va être un... J'ai même pas vu le 1. C'est si bon que ça, honnêtement, ouais. Honnêtement, c'est... Tu sais, quand on dit tantôt, on parlait de la manie, des fois, de partir un film comme si les autres n'existaient pas pour essayer de se faire pardonner. Tu sais, les deux derniers Rocky, là, le 5 et le 6, ils ont de quoi à se faire pardonner, honnêtement. Et Creed 1, honnêtement, c'était, ça aurait pu facilement tomber dans le cheese, dans le fromage, comme on dit. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est si bon? Certaines personnes vont en débattre, mais c'est très intéressant, c'est très divertissant. Quelqu'un qui n'aurait pas vu les Rocky, là. Il va être diverti, mais il va peut-être manquer quelques clins d'œil. Il va peut-être manquer aussi certains. Des clins d'œil. Mais c'est pas plus loin que des clins d'œil, dans le sens que tu vas comprendre le film pareil. Mais tu comprendras peut-être pas pourquoi, mettons, le personnage de Rocky est si attaché ou c'est si important pour lui, tu sais, de la sûreté du petit gars, des trucs du genre. Tu sais, mais André va pouvoir nous en parler un peu plus, là. Moi, je suis comme hypé parce que Creed, ça a été un des films que je m'attendais tellement à rien. En fait, je m'attendais à une déception quand j'ai vu le premier. Je me suis dit, en aucun cas, ça pourrait être un bon film. L'histoire de Rocky, un tie-in dans le Rockyverse, puis j'étais comme, ok, tout le monde fait des films dans les univers, etc. Puis Creed m'a littéralement sorti de mes shorts. C'était bon. C'était bien dirigé. J'ai senti le même feeling que quand t'écoutais le Rocky dans le temps, puis que t'es comme, t'as de la sympathie pour le personnage. À un moment donné, il joue avec ton cœur un peu, avec Rocky aussi, avec ton idole de ta jeunesse, qui se passe de quoi. C'est un film qui était excellent. Puis, le gars, c'est-tu Childish Gambino, là? Non, c'est le méchant dans Black Panther. Michael C. Jordan, okay, C. Jordan, ouais, okay. Effectivement. Je sais pas pourquoi je mélange tout le temps ces deux-là. J'adore cet acteur-là. Honnêtement, moi, cet acteur-là, il jouait dans Drumline aussi, je pense, hein, si je me trompe pas. Je crois que oui. Cet acteur-là, au début, je le trouvais cool. Après ça, je trouvais que, tu sais, la fameuse, moi j'appelle ça l'espèce de false Claude Legault, là, où la personne est comme partout, puis il y a une surexposition médiatique. Claude Legault. Mais ça, c'est qu'au Québec, on est le même fort. J'aime ça, ce terme-là. Puis le Michael C. Jordan, on le voyait partout, puis on est... Michael B. Jordan, excuse, je me suis trompé d'une lettre. Merci, Chuck. Mais je suis comme... Fils à Michael Jordan, puis il a juste fait B, genre version B. Ouais, c'est ça, c'est... Non, mais je l'aurais plus. Je sais pas, non. Mais non, il y a du talent... Puis, il joue des rôles qui me font chier, qui me gossent, mais c'est signe que c'est un bon acteur. Ben, tu sais, c'est un gars, je trouve que c'est con à dire. Il a tout le temps la même face, il a tout le temps la même affaire. J'ai juste détesté dans Fantastic Four, mais c'était pas lui finalement que j'ai détesté dans Fantastic Four. Tout le reste. C'était Fantastic Four que j'ai pas aimé. Hey, c'est lui le gars dans la série Torch, Human Torch. Ouais. J'ai pas vu encore cette version. Tu manques rien, pas. J'ai pas l'intention d'en voir tout de suite. Ouais, puis il y a Tessa Thompson qui joue là-dedans aussi également. Mais en gros, Creed, le Creed 2, où c'est venu me chercher aussi, c'est que. Ils ont comme réussi à aller chercher un genre de continuité là-dedans, puis ils ont établi une bonne ligne de base avec le personnage de Michael B. Jordan dans Creed 1, dans le fond. Puis là, tu le vois, tu sais, c'est un peu le dilemme, tu sais, le boxeur que là, tu te prouves à toi-même, tu te prouves à ton entourage, tu te prouves à ta famille, qu'est-ce qui se passe dans la tête. La légacy de ton papa. Exactement, tu essaies de vivre à la hauteur de l'attente que les gens avaient envers ton père. Fait que moi, je pense que Creed 2, ça va être... freaking good, j'ai hâte de le voir, puis ça va être un des films que je crois que ça va surprendre le box-office. Moi, je cale les prédictions live là, moi je suis sûr et certain que ça va très bien faire, un peu dans le même genre que ce que Venom a fait en octobre, tu sais que même tout le monde a bâché sur Venom qui vient de sortir, mais que finalement ils ont pété des bons records, en c'est fait, sûr. Venom a fait un inverse de Star Wars Last Jedi. Ouais, clairement, tu sais, il est allé chercher des gros revenus. De marde, mais des bonnes ventes, des bons commentaires populaires. Mais il continue-tu les box-office? Parce que tu sais, des fois, une première bonne semaine veut rien dire. Ben là, la deuxième fin de semaine, c'est celle qui s'en vient, il me semble. Il y a rien qu'une fin de semaine. Exactement. Oui, c'est pour ça que À date, non, mais parce que dans le sens que les commentaires de la plèbe sont super positifs, mais les critiques le démolissent versus Last Jedi, c'est le contraire. Fait que tu sais, Creed 2, moi j'ai beaucoup d'espoir pour ça. c'est con à dire, là, mais là, je vois, t'as rajouté des films là-dedans. Il y en a un que j'aimerais ça parler, là, parce que c'est mon gros what the fuck, puis je sais toujours pas à quoi m'attendre de ça, mais Mortal Engines, l'esti de Peter Jackson que... Avec Hugo Weaving, son best buddy, là. Pis, j'ai vu quoi avec ça, puis c'est l'espèce de film steampunk. Ouais, mais ça me dit quoi? Mais moi, honnêtement, moi, t'as collé ta shot, là, de box office, moi, je colle ma shot de flop. Ah, j'ai le feeling que Mortal Engines, ça va être un flop. Pas parce que je veux que ce soit un flop. Mais pas c'est un genre de Family Mad Max. C'est un steampunk Family Mad Max. Parce que Mad Max, c'est pas un peu steampunk. Il y a comme, il y a des affaires oui, que mais tu non. C'est plus post-apoc. Tu vois comme c'est la fille. C'est post-apoc Mad Max. Moi, je te dirais ça, c'est plus steampunk. Clairement, là, genre, il y a des gros engins à vapeur. Il y a beaucoup de trucs clichés comme le Estrange Stepfather, la fille avec la face qui est cicatrisée. Moi, c'était l'hostie de quote dans le trailer. Oh no, it's London. Tu sais, puis c'est comme si Londres était méchant, mais Londres, pas le climat hostile. La ville, pas les habitants. Là, c'est... Non, non, c'est Londres. La Londres, ville, c'est une ville qui tue. Mais en gros, c'est que de mémoire, puis de ce que oui, j'ai lu, les villes, c'est comme. Non, non, les villes bougent. Les villes deviennent des espèces de grosses machines. C'est des tanks steampunk. Mais géantes, là. C'est comme si, mettons, Laval décide de se lever puis de coller son camp. Dans le fond, c'est un remake de Wild Wild West, genre. Ben, sans joke, le art style, c'est fucking Wild Wild West. T'as mis le doigt dessus. Fuck that. Fait que c'est pour ça que ça va être un flop. Sans Will Smith puis les chansons hip-hop. Non, ça, je suis vraiment pas hypé pour ça. Aquaman, je trouve que la date est mauvaise. Je trouve tout le temps qu'entre Noël, proche de Noël puis entre Noël, jour de l'an, c'est des dates de merde. Aquaman sort en même temps que Bumblebee puis... Battle Angel. C'est-tu quoi? Aquaman, moi je vous call une shot, puis ça va être sexiste, puis je m'excuse d'avant, mesdames. Mais d'un autre côté. Aquaman va être le premier. Non, en fait. Calisse. Aquaman va être le premier film de super-héros de toute la legacy des films de super-héros où les gars n'auront pas à s'ostiner avec leur blonde pour aller le voir à cause de Jason Momoa en chest. Puis ça un peu moi, je suis sûr que ça va. Tout le monde va embarquer. Tu sais, la vibe Game of Thrones d'Otraki, puis le kit. Puis là, c'est tu sais, la vibe Jason Momoa là-dedans. On parle des filles pour qui le style de Jason Momoa les attire. Ouais, c'est ça. Puis l'autre 5% veulent juste pas l'avouer. C'est ça, exactement. Ou sont lesbiennes. En réalité, là, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi sur une chose, par exemple, Hunter. Je trouve la date weird parce que. Check ça, 21 décembre. C'est là, un assez gros film, me semble. 21 décembre, t'as Bumblebee, t'as Aquaman, t'as Backseat. Puis la semaine d'avant, il y a Spider-Man. Ouais, mais Spider-Man en cartoon. En cartoon. Ouais, mais les enfants. Ben, ouais. Aquaman, les enfants iront pas voir Aquaman. Les enfants vont aller voir Bumblebee puis Spider-Man. Ben, c'est quoi Aquaman, ouais. Spider-Man va bien performer la semaine d'avant parce qu'il va avoir cette semaine d'avance. Mais ça sera pas partout. Mais là. La semaine d'après, ben oui, ils vont mettre ça partout. Non, mais les films en cartoon pour enfants, là, ben, c'est dimanche matin que c'est mon ben cinéma. Non. Ils mettent pas ça le mardi soir. C'est plus le même, Joe. Hey, check les records que Cars a fait puis disons faire la même. Oui, c'est Cars, c'est pas un cartoon. Le vrai film de Spider-Man, il pognerait bien. Pourtant, t'en as, toi, des gars, là. T'en as. Ouais, ils veulent pas aller voir les films en Joe, cartoon au cinéma. Joe, j'ai pas d'enfant, puis je vais aller voir Spider-Man au cinéma. Toi, t'as le temps d'aller au cinéma. Mon gars mais de 10 ans me parle de Spider-Man. Tu sais, mon gars de 10 ans me parle de Spider-Man depuis déjà 2 mois. Oh, ouais. Oui, il m'a parlé de Teen Titan, mais pas rien d'autre. Spider-Man va bien performer, mais je trouve le 21 décembre un peu contingenté au cinéma, puis c'est un peu du cash grab, là, on s'entend, il va y avoir du stock. Là, puis Bumblebee, honnêtement... Ça a l'air cool. Moi, quand j'ai vu, j'ai... Tu sais, quand il dit... Tu vois une bonne annonce, c'est comme oh, mon cœur a arrêté de battre, ou j'ai une crotte du cœur, ou une partie de moi qui vient de mourir. Puis Bumblebee, quand j'ai vu la bonne annonce, c'est comme si justement toute l'espèce de couteau dans le cœur que j'ai eu des autres films de Transformers venait d'être guéri à une shot. Là. Ouais, c'est vraiment. De gros plaster. Ils ont fait avec Star Wars, ils ont fait ce que Star Wars The Force Awakens ont fait. C'est-à-dire, ils ont fait le film pour plaire. Aux fans de la première heure, ceux qui ont écouté les cartoons, ceux qui connaissent les Soundwave, les Starscream. Ceux qui ont écouté les 6 films en espérant à chaque fois que c'est ça. Et moi, okay, on va vous en faire un mais bon. Non, c'est ça. Puis il y a tellement de beaux clins d'œil. Tu sais, quand j'ai vu la bande-annonce de Shockwave, que son chest rouvre, avec les cassettes, puis le petit chien qui sortait, je suis comme. Ah, c'est pas de la musique en streaming qui se transforme, qui sort. Là. J'ai vraiment eu des frissons, là, de ticu. Ils ont pas évolué avec le temps. Ça, c'est, selon moi, ça serait mon number. Il ouvre son chest, puis t'as Hubert Lenoir qui monte son nouveau tattoo. Ça serait mon numéro 3, honnêtement. Puis je pense que si le film fait bien, ils ont les bases pour construire une nouvelle série. J'y repense, là, Aquaman puis Bumblebee, dans le fond, là, ils sortent à un bon, quand même, pas pire moment. Pas pour les adultes, nécessairement. Parce que eux autres, ils vont être occupés avec des parties, puis de travailler, puis d'aller partout, puis un peu de vacances, puis tout. Puis ils se disent, je ne veux pas aller au cinéma pendant que faut que je cours assis à souper par-ci, souper par-là. Mais pour les enfants qui sont en vacances, c'est le easy cash grab avec les parents. Hey, oui, les enfants, on s'en va au cinéma, ça coûte 100$. Mais tu vois, ouais. c'est là, je pense que c'est con à dire, mais tu sais, ma prédiction et mon feeling de fond de short, là, Bumblebee, c'est une version adaptée et targetée carrément à nous autres. Là, 28 à 40, là, à peu près, là, que tu as connu les Transformers G1 quand tu as grandi. Puis, ce que tu viens de dire, Joe, moi, je pense que ça va avoir des répercussions sur le box-office parce que le time frame où ce film-là sort, notre sociodémo, on est dans le jus en tabarnak à Noël. Là. Puis, les kids... Surtout si t'as des familles reconstituées. Ben, t'as ça qui rentre là-dedans aussi. Qui n'a pas une. Puis, les kids qui vont être disponibles, dans le fond, pour aller voir ces films-là, j'ai l'impression que, ben, OK, ils ont vu les peut-être... 4 ou 5 derniers Transformers, puis ils vont faire fuck it. Même là, non, moi je pense que. Un kid qui aime les Transformers va aimer pas mal n'importe quel film de robot. Mais est-ce qu'il va aller au cinéma par lui-même? Est-ce que le kid de 17-18 ans va aller. Je dis un kid de 17-18. Moi je parle les kids. Ça c'est du cash grab de 11 ans et moins. Ouais, mais c'est ça, je te dis, c'est que dans le time frame où ce film-là sort au cinéma. La clientèle disponible pour aller le voir, ça va être le 16 à 20-21 à peu près. Tu sais, le monde qui commence à sortir de la maison, puis c'est leurs activités principales. Puis j'ai l'impression qu'ils sont peut-être brûlés par les autres Transformers. Fait qu'ils vont peut-être aller voir Aquaman. Eux autres vont aller voir Aquaman avec leur petite blonde de 16-17 ans qui trippe. Et comme, oh oui, on va aller voir un film de super-héros. C'est ça. Pas. Jason Momoa mouillé en bedaine. Boom, tout le monde est moi, je pense que... Tu sais, ma prédiction, c'est qu'Aquaman va faire du cash. Anyways... Aquaman, c'est prouvé que ça va faire du cash. Oh, écoute, Entourage, dans le fond, c'est même pas une question, ça va battre Spider-Man 2 en revenu, c'est sûr et certain. C'est un petit insight, si vous n'avez pas écouté Entourage, écoutez ça. Honnêtement, je pense qu'il va battre... Avec ce film-là, ils vont redorer de beaucoup l'image Wonder Woman, de Aquaman, qui est principalement un... Excusez le terme, un hostie de Momoun, un hostie de joke. Le gars, il contrôle des baleines, des cartoons. Tu revois des photos sortir... oui, il essaie de revamper son image dernièrement d'un comics, puis d'un New 52, genre, puis tu sais, toutes les nouvelles séries, puis ces affaires-là. Mais le monde ne sont pas portés à lire tant que ça du Aquaman, parce qu'ils ont encore le style d'image de style de Momoun. Je pense pas qu'ils vont lire du Aquaman, mais tu as dit quelque chose, tu sais, Wonder Woman. Moi, je m'en dis, dans le fond, que le film a le potentiel d'égaler Wonder Woman pour justement redorer le peut-être blason plus, de. Moi, je pense. Mais honnêtement, moi, je pense pas qu'il peut dépasser Wonder Woman, mais il peut se rapprocher drôlement, justement parce qu'il sort un peu de l'univers de Zack Snyder. Puis il a le côté féministe à son avantage que beaucoup sont allés voir. Ben oui, c'est un peu comme Black Panther avec Black Lives Matter. Tu mets le doigt sur quelque chose, moi, je pense qu'il va faire un élément de différenciation, puis que ça, c'est prouvé que ça a fonctionné si on regarde Thor Ragnarok. La vibe de DC, de Dark and Gritty, Zack Snyder, coloré, le là, kit, là, ils l'ont cassé. Wonder Woman, ils l'ont gardé un peu, mais ils l'ont cassé. Wonder Woman, ils ont donné un look vintage, par contre. C'est exact. Ça, la coloration est vintage. Puis là, t'as Aquaman qui arrive puis qui va être plus accessible aux gens. Tu sais, t'es pas obligé d'être... Moi, il y a une affaire que j'ai pas catché avec DC depuis le début, là, c'est qu'il faut que tu sois déprimé pour leur sacrement de film. Batman est sombre. La Justice League, c'est sombre. La Justice League, c'était dark. C'est comme tout le temps glauque, tout le kit. Là, tu sais, t'as Jason Momoa qui est fun à regarder. Puis je pense que ça va aller rechercher une crowd qui vont peut-être découvrir du DC avec ça parce que sont tannés du dark and gritty. Je pense que ça va ramener un peu. Ça risque de ramener Aquaman sur la map. Hey, là, y en a un film aussi que t'as mis sur la liste. Lui, c'est le 21 novembre. On parle de Robin Hood. Toi, t'as mis dans tes commentaires, parce que Guillaume, il a mis des commentaires dans la liste. Il a marqué « Because Jamie Foxx is playing Morgan Freeman ». En gros, le film a du potentiel, le flop assez majeur. Tous les acteurs teen pop Brit sont dans ce film-là. Tous ceux qui ont été dans Hunger Games, dans... Ben, c'est pas Everton, comment il s'appelle? Ben, c'est le dude, un des deux acteurs principaux de Kingsman, mais aussi le dude de Hunger Games. Je pense que c'est le même gars, anyways. Là. Et que, tu regardes la bande-annonce, tu fais « Hey, je l'ai vu, lui, récemment, dans tel film. C'est hey, je l'ai vu dans Peter, tel film. » I guess. Pita l'organisme? J'ai jamais vu le film, mais je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Pita, mais ça. Ça se peut très bien. Mais c'est ça, c'est que c'est plein de ce que les marketeurs aiment dire, des valeurs sûres, là, des acteurs bien populaires. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment fait rire, c'est que Morgan Freeman, dans le Robin Hood original, jouait l'espèce de dude simili-religieux zen qui va comme tout l'original, coacher. C'est celle avec Kevin Costner. Okay, oui. Parce qu'il y a beaucoup de Robin Hood. Oui. Puis là, t'es comme, j'arrête la bonne annonce, Jamie Foxx, il est là, il est comme un peu l'espèce de coach mentor. C'est comme, ma seule réaction, c'était comme, ta gueule. Je trouvais ça tellement drôle. Je pense qu'on était prêts pour ça. Jamie Foxx, c'est correct, je l'aime bien, j'ai beaucoup de capital sympathie pour lui. Puis j'irai voir le film juste pour voir Jamie Foxx. J'ai de la misère à toute fois que je le vois, je suis comme, j'irai voir de le la film à l'imaginer. Juste pour voir Jamie Foxx jouer Morgan Freeman. Oui, je trouve ça un peu méta, là, mais c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est un bon temps pour faire un reboot de Robin Hood parce qu'on peut tous oublier celui de Russell Crowe. Ouais, faut essayer d'oublier. Mais sérieux, j'ai une question. Jamie Foxx, c'est un bon acteur pour vous autres? Il est capable de faire des grandes choses. C'était quoi le film qu'il faisait avec Robert Downey Jr.? Oui. Il faisait un genre d'autiste, qui jouait du violon, là, puis c'était comme un sans-abri, mais fucking ça virtuose. Quoi, là, puis ben, il était excellent. Virtuosity? Virtuosity, c'était avec Denzel Washington. Je sais qu'il y a un nom, Virtuose. Virtuosity, c'était un film qui était fucking malade. C'est The Soloist que tu parles. The Soloist, oui. C'était proche. Mais Jamie Foxx, je l'aime ou je le déteste. Mais moi, on dirait que Jamie Foxx, c'est quelqu'un, pour moi, lui, là, il est tellement... Il prend tellement comme de place un peu quand il est sur une scène. Où, je le vois comme un rapper, genre. Qui fait de l'animation, qui fait le show. Mais c'est ça, comme plein d'affaires. Un rapper extraverti, là, tu sais, qui prend de la place, puis nanana. Puis là, après, je le vois essayer de jouer. Comme, ok, essayer, c'est pas fin, là, mais jouer dans Ray, qui était quand même pas si pire. Puis il était bon, mais là, en même temps, j'ai de la misère à voir à quel point qu'il est peut-être bon dans ce film-là, à cause que la seule affaire que je vois, c'est que je fais comme, bon, check le rapper qui s'énerve à faire semblant d'être aveugle puis de jouer du piano. Mais d'un autre côté, t'as toléré que Will Smith fasse des grands films tels que Concussion, In the Pursuit of Happiness. Deux films que j'ai pas vu encore de Will Smith. Mais honnêtement, il y a beaucoup à dire. Mais Will Smith, je trouve qu'il est déjà plus crédible. Je sais pas pourquoi. À cause je suis capable Fresh de le dissocier parce qu'il est comique. L'acteur, il est comique, mais il est pas exubérant partout, all over the place, des looks. C'est encore drôle. Je sais pas. Jamie Foxx, il a l'air d'un pimp. On va vous inviter, les auditeurs, c'est super simple. Écrivez-nous sur Twitter ou bien sa page Facebook. Ça va être super simple. Ça va être Yes Jamie Foxx ou bien Nope Jamie Foxx. Ouais. Fait comme ça, on va savoir dans quel cas on devrait faire un épisode de Jamie Foxx versus Will Smith. On analyse tous les films. Hey, moi, guys, au niveau des films, parce qu'on va accélérer un peu, il reste quand même pas mal. Il y en a un dernier, je sais pas si vous en avez parlé, mais est-ce qu'on a parlé de Wreck-It Ralph 2? Oui. OK. Ben moi, c'en est un que j'attends beaucoup. Moi aussi. J'ai vraiment hâte à Wreck-It Ralph 2. Plus que mes enfants. Oui, c'est qu'on dit, mais ça, j'ai vraiment hâte. J'espère qu'Henri, il y a plus hâte que mes enfants. J'ai fait des recherches aussi de mon côté, puis ça, c'est mon côté geekiness qui va embarquer, mais j'ai fait des recherches sur tout ce qui était pour sortir sur la télévision, aussi d'ici la fin de l'année, puis le début de l'année prochaine. Quand tu dis télévision, tu parles de série. Ben, je vais parler... Télévision au sens large, je parle de télésérie effectivement. Puis bon point, Netflix, Joe. Il va y avoir du stock sur Netflix, Crave, il va y avoir du stock qui va sortir, qui va jouer à la télévision aussi également. À retenir votre attention, dans le fond, on va avoir Night Flyers, dans le fond, qui va débuter le 2 décembre sur la chaîne Sci-Fi. Night Flyers, dans le fond, c'est George R.R. Martin qui a fait une télé, dans le fond, c'est un livre ou je sais pas d'où ça part exactement, mais c'est du George R.R. Martin dans l'espace. Non, il est encore vivant, okay, il écrit encore. Puis je vais avoir une petite anecdote de lui. Game of Thrones, c'est ça. Okay, fait que c'est la qualité de Game of Thrones, mais dans l'espace. Je suis curieux, pourquoi tu veux pas l'écouter? Moi, je dis qu'on devrait faire une campagne de boycott. Pourquoi? Faut qu'il arrête de faire des hosties de cochonneries qui sont pas Game of Thrones, qui finissent Game of Thrones en premier, puis après ça, il fera ses hosties de séries-télé. Ben, Game of Thrones est fini. Tu sais ce que je veux dire? Les livres. Ben, les livres, c'est fini. Il est en train de faire les prequels. Il y a des odds à Vegas en ce moment que tu peux better. Est-ce que George R.R. Martin va mourir avant la fin de Game of Thrones? Oui, c'est clair que oui. Moi, j'étais sûr qu'il était déjà mort. Fait qu'en continuant là-dessus, messieurs, fait que Night Flyers, saison 1, débute le 2 décembre 2018. Si on continue notre grand périple télévisé/télésérie, il y a de quoi que Je suis encore on the fence. Je suis intrigué, mais je suis encore on the fence. On a The Chilling Adventures of Sabrina, Season 1, qui va débuter le 26 octobre sur Netflix. Dans l'univers de Riverdale. Dans l'univers Riverdale-ish. C'est The Teenage Witch string. C'est Sabrina The Teenage Witch. C'est pas Melissa Joan Hart qui va jouer dedans. On n'a plus le même Salem en carton qui slim les ongles, qui fait un meme sur le net. Mais en réalité, un peu plus. J'étais sûr qu'il était en carton. C'était un running gag avec moi et mes vieux chums dans mon enfance. Là. Mais Sabrina, tu vois, on a un Metascore. C'est cool, ça, cette-là. Il y a un Metascore de 81, puis c'est même pas sorti encore. Là. Fait que c'est plus dark. La fille, elle ressemble vraiment à. Comment elle s'appelle? Emma Watson. Là. Elle a vraiment. Tu sais, vite, tu regardes le ouais, t-shirt, vrai, puis tu dirais ça. Merci, Fierce Angel, pour le host. Ça a l'air vraiment génial de je radote, hein. Calvaire. Merci pour le host. C'est ça que ça te fait comme effet quand quelqu'un nous host, ça te met tout à l'envers. Man, ça me met tout à l'envers. Je suis content d'avoir des hosts. Quoi, mais en réalité, Chilling Adventures of Sabrina, je suis vraiment intrigué. Je sais pas à quoi m'attendre. Là, il y a la saison 3 de Riverdale qui a commencé. Je sais pas si je continue, j'arrête. Je pense que j'ai même pas fini à 2 encore. Moi, je me dis, moi, je pensais que j'avais fini à 2 puis je l'ai pas fini. Oh. De Riverdale, je pense. Je la finirai pas. OK. Parce que, sérieusement, je suis plus capable de jogger en chef de biker, en archi trop cut qui... T'as pas mal en commun avec ma blonde, toi. Il comment dire à part la barbe, là? Archi qui... Archi qui dirige une gang de vigilante, de Red Hood, ou je me sais plus c'était quoi, le reste de conneries. Non, Red Hood, ça, c'est dans Batman. Ouais, mais je pense qu'eux autres, ils se mettent des cotons ou étés rouges en disant qu'ils s'appellent les Red Hood Gang, là, ou quelque chose. Ah oui, la gang des Tugs, c'est là, En tout cas, c'est toute la calisse de merde. Ouais, ma blonde a eu le même... Elle a eu la même affaire. Elle a dit... c'est comme... C'est n'importe quoi, puis c'était un peu rendu childish. Plus. C'est parfait pour quelqu'un qui a jamais lu un archi. Ben, c'est-tu quoi? Moi, au début, on était capable d'aimer ça, même si ma blonde, c'est une super fan des... Moi, j'avais de la misère, puis j'ai l'impression que ma femme s'est forcée à prendre. Je le vois différemment, guys. Moi, dans le fond, dans ma manière, parce que je consomme énormément de séries télé, un moment donné, une série Phil va sortir, quand je vais avoir du calice de temps. Mais j'ai des téléséries que je vais consommer vraiment comme ils sortent à chaque semaine, puis je vais l'écouter à chaque semaine, puis j'ai des fillers. Puis Riverdale est passé en fillers. C'est genre, j'ai plus rien écouté. Il y a un hiatus ou une pause sur des choses. Je fais du lavage, je fais fillers, de pas de même. C'est jouer à des jeux vidéo. Ben, tu vois, moi, je porte attention quand je joue à des jeux vidéo. Mais Riverdale, quand mettons, je vais jouer à State of Decay 2, je vais faire jouer Riverdale à côté. Mais ça va mal de faire du lavage puis plier du linge. Non, non, mais c'est ma télésérie où. Tu parles en faisant d'autres choses, pas genre, j'ai plus rien nécessairement écouté. Mais j'ai une déformation professionnelle où toute ma jeunesse, j'ai travaillé dans des cinémas et des clubs vidéo. Fait que je suis habitué qu'il y ait du contenu qui joue autour de moi. Non, ça, je fais ça aussi si je plie du linge, mais je pensais genre, à temps perdu. Ah, oh, j'ai plus rien écouté, je vais écouter ça. Moi, là, c'est comme, non, je suis tout rattrapé. À la place de me forcer à écouter de quoi que j'aime pas, je vais jouer à un jeu vidéo. Mais si c'est pour plier du linge, je suis d'accord avec toi, je me mets une série. C'est ça. Fait que, tu sais, Riverdale est rendu dans ce bracket-là, à peu près. River dit, Riverdale, je l'écoute avec ma blonde et ça me fait capoter parce qu'elle a... À quel point, à chaque épisode, ils règlent un drama et ils en créent trois autres. Ah, mais c'est normal, ça, c'est pour continuer la télésérie. Moi, je pense qu'il s'appelle The River Size pour Riverdale. Je dis ça de même. Peut-être, c'est un peut-être grand ça. Fan. Hey, guys, ce soir même débutait aussi la saison 7 de Arrow. Fait que ça, c'est quelque chose que j'écoute. Déjà, il a droppé en genre de filler, puis il est en train de redevenir en prime time. Ils ont remis un peu plus de production 7. Value. Ouais. Moi, j'ai arrêté, je pense, après la 4, là, quand il y a eu l'espèce d'équipe, tu sais, quand il a pris sa retraite, qui était mort, pas mort, puis là, les autres avaient fait leur petite équipe de backup. Ben, c'est ça. C'était redevenu le villain of the week. Puis là, qu'est-ce qui est cool, c'est que je me prépare aussi parce que. Dans le fond, il va y avoir le crossover qui va arriver en décembre entre Flash, Arrow et tout le kit. Puis là, on va avoir Ruby Rose qui va arriver pour Batwoman, qui ont présenté cette semaine le premier mock-up avec le costume qui est très, très, très fidèle au BD. Fait que si on continue notre périple de télésérie, on va avoir Daredevil Season 3 qui va débuter le 19 octobre aussi. Fait que ça, c'est bientôt. Fait que ça, j'ai super vraiment... bon. En passant, là, petite parenthèse, là, on parle de hype. Il y en a une qui est la hype, elle vient de mourir assez solide. Iron Fist a été complètement tué. Ben, en fait... Oui et non. Il est sorti de Netflix, mais dans tous Netflix les articles... Netflix a cancellé Iron Fist. Tout le monde dit que Disney va sûrement... C'est déjà annoncé que Disney va sortir leur propre plateforme et probablement... Ils ont annoncé ça, je pense, c'était avant même que Defenders sorte. C'est que Netflix finit leurs obligations contractuelles des téléséries Marvel. Mais il y en a qui ont été rajoutées, parce qu'il y en a qui ont été renouvelées et tout. Oui, parce que Disney va faire un launch graduel. Fait que eux, c'est qu'ils retirent la licence. C'est comme si ton bail commercial est fini... puis que ton bailleur est du boss, pas de trouble, mais de continuer à chaque mois jusqu'à temps que je trouve quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, ceux qui n'ont pas encore vu Iron Fist 2, je sais que ça fait pas partie du hype du restant de l'année, mais on pourrait dire que ça pourrait fitter. Il faut que je l'écoute Netflix. Bientôt, je l'ai pas écouté. Mais si vous l'avez pas encore écouté, ça pourrait fitter dans nos catégories. C'est ça vaut la peine. C'est du bon filler. C'est bien correct. Mais beaucoup mieux que la première. On a un autre télésérie qui va débuter le 25 octobre. Celui-là, c'est Jessica Jones, la fille. Non, en fait, c'est une télésérie qui s'appelle Legacies pour les fans qui auraient écouté. La photo, la fille, elle ressemble aucunement. J'avoue, le nez il est plus drette que l'autre. C'est ça, exact. Puis elle a l'air un peu moins natural bitch resting face. Ouais, ouais. Mais Legacies, qui va jouer sur CW, dans le fond, c'est super simple. C'est pour les fans de Vampire Diaries et The Originals. Oh. C'est un genre de truc qui se passe où... Côte de cuir, Mercedes, Van Peggy. C'est ça? Non, en fait, True Blood, c'était des vampires redneck en Camaro. Mais là, tu dis Côte de Cruz, Mercedes, vampire gay. Et Vampire Diaries, c'était peut-être pas ça. I quelque chose. I Zombie, ouais. Non, I Zombie, c'était bon. CSI Zombie Girl Teenage Shit. Ouais, mais c'est quand même pas chier. Les autres, c'est qu'il y a souvent des acteurs de ces séries-là qui se ramassent dans un Gamecast de Grand Funny parce qu'ils sont bien chummy avec eux autres. Puis ils se mettent à jaser, comme le gars de Krypton aussi. Ils vont dans le fond, CW vont avoir du contenu pas mal. T'as Legacies le 25 octobre. Puis là, je me suis gardé trois affaires à la fin. Là. Avant de skipper, skipper aux trois données, on s'entend que CW, c'est crissement plus notre âge en général. Je l'écoute encore beaucoup. On n'est pas dans la démographique, t'as raison. Ouais, c'est ça. Okay. Non, mais c'est les teenage shows. Le Riverdale, les CW, Netflix. Ça dépend parce que CW vont faire Arrow et Flash tout de même aussi. Non, mais ils sont très teenage girl oriented. C'est très 18. Pas tant que ça. Il y en a qui disent 18-24, il y en a qui disent 18-30, mais c'est vraiment la démographique là, dans les fameux sondages et tout, c'est 18-30. Ah ouais, moi je pensais que c'était comme 12. Mais c'est quand même. Ils ont du bon production value, honnêtement, CW, puis il y a du bon contenu aussi qui est là. Puis... Mais ils ont des bons shows. Je trouve juste que quand je l'écoute, je trouve ça cheesy as fuck. Genre. Ouais, ben c'est souvent oui. Ça qui me turn off. Tu sais, je l'écoute, puis je suis comme, Chris, que c'est teenage. Mais oublie pas que, genre. En comparant du CW avec du Netflix, parce que faut pas oublier que Daredevil, Netflix, tu sais, le contenu, ils ont pas les mêmes restrictions que la télévision. Daredevil, Netflix, puis Riverdale, CW, Netflix, c'est pas pareil. Parce que CW, dans le fond, oublie pas que le contenu passe à la télé, fait que des fois, ils vont le rendre un peu plus accessible, des codes d'écoute, ça fait la même. Ça plus à HBO. Là, guys, je fais ça extrêmement rapidement, mais il y a trois shows à suivre. Premièrement, pour les gens qui vont être abonnés à YouTube Premium, on a une télésérie qui s'en tantôt, vient. Oui, je t'ai montré le trailer avant que ça débute, Milter. C'est pas mon genre, puis ça a l'air malade. En fait, Guy, je vais te demander si t'es capable, va le dropper sur la page du collectif. Non, pas tout de suite, on va le mettre après l'épisode. Mais en réalité, là, c'est une des autres téléséries originales, donc du contenu original de YouTube, qui va s'appeler Origin. Avec Tom Felton puis Natalia Tina. En réalité, c'est un genre de Event Horizon de criminel où Tom Felton, c'est le gars de Snape là, c'est quoi la maudite la maison là, des serpents dans Harry Potter là, avec le petit blond là. Je sais qui tu veux dire là. Tom Felton, mais il me semble c'est lui là. C'est le petit blond. C'est le petit blond là dans Harry Potter. Serpentard, c'est ça. Merci Hitchcock. Fait qu'en réalité, Origin, c'est super simple. C'est des gens qui sont dans des situations c'est de vie. J'étais là, il me dit de quoi depuis tantôt. C'est le gars quand tu m'as dit. C'est de là que tu l'as vu. Mais il est pas blond, fait que ça me fuckait bien raide. Fait que tu sais, en réalité là, c'est tous des gens qui sont sur Terre, qui ont une vie un peu plus rocambolesque. Il y en a qui font du crime organisé, il y en a qui ont des dettes à plus finir. Puis ils se font tous promettre quelque chose. C'est embarque-toi dans une expédition vers une nouvelle planète, puis on va pouvoir effacer tout ton historique. Fait que tu n'existeras plus sur Terre, puis tu vas repartir à neuf sur la nouvelle planète. Obviously, c'est dans l'espace, c'est un show de sci-fi. Ça chie, il y a de quoi qui pète, il se ramasse perdu à l'autre bout. Il y a un genre de Event Horizon-esque ambiance où, tu sais, c'est pas de l'horreur, mais c'est pas de la sci-fi. C'est un genre de mix hybride entre les deux. Fait que Origin, ça, moi, ça va être sur mon radar et ça va être ça à surveiller, c'est like sûr et certain. C'est ça, je disais qu'il y avait le monde de Lost dedans tantôt. On va avoir. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, il y a l'équipe de Lost ont travaillé là-dessus aussi également. C'est là que tu vois que le YouTube Money va commencer à sortir et le contenu va commencer à être intéressant aussi également. Netflix, She-Ran, The Princess of Power, qui va sortir aussi également. Là, j'ai pas la date de sortie exactement en dessous de moi. On part du 10 novembre. Fait que Ça, c'est, ça, ça va être dans pas long. Je suis intrigué. Ils font comme un genre de reboot de She-Ra. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être faux. Mais moi, c'est qu'est-ce qui m'étonne? Feminist power. Je suis bien correct avec ça, mais je pense sûr que ça va être très inspired. Ben ouais, clairement. En fait, je vais dire, c'est ce qui m'étonne, mais Milter a un peu mis le doigt dessus. C'est pourquoi ils ont fait She-Ra et non He-Man. Parce qu'He-Man, il est sorti il y a 3 ans. Ouais, en fait, He-Man a eu des... En 2003, ils ont fait un reboot. Puis en 2007, en 2010, 2008... Pense, c'était, faudrait ça a fini en 2010 peut-être. Ça a fini en 2010 puis ouais, ils ont fait un reboot il y a pas longtemps dans He-Man. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est que ça... il était excellent en plus. Ouais, honnêtement c'était différent, là, Chris, là. C'était, oui c'était différent mais il était très bon quand même. Ouais, moi j'avais aimé ça. Fait que She-Ra and the Princess of Power le 10 novembre à surveiller. Et si vous écoutez pas ça honnêtement je sais pas comment vous convaincre. Par contre Vikings saison 5 qui va débuter le 28 novembre. Vikings qui est un show de History Channel qui est super fucking bon. C'est quelque chose que je suis embarqué. C'est historically accurate. C'est vraiment bien fait. L'acting est fou. Fait que la saison 5 de Vikings, je suis vraiment hypé. Ça dit-tu fuck aux deux mots comme Rome, là? Je pense que c'est plus accurate. Non. Ben, au contraire, c'est pas vulgaire. C'est bien fait. Même okay. Si les Vikings, c'était des gros barbares qui rapaient tout le monde et qui piégeaient tout le monde. Là. Mais ça, j'ai vraiment hâte. Fait que, tu sais, il y a du Christy de bon contenu télévisé qui s'en vient dans pas long. Fait que, tu sais, on va avoir bien du stock à binge-watcher. Puis c'est ça qui est le fun. C'est juste YouTube? Non, c'est sur le History Channel. Fait que ça, vous pouvez l'écouter si vous avez le History Channel dans votre abonnement au câble. Sinon, ben, il va y avoir des plateformes en ligne qu'on va pouvoir aller l'écouter, c'est sûr et certain. Mais du méchant bon contenu qui s'en vient, honnêtement, guys, au niveau télévisé. Vous autres, dans ce que j'ai parlé, y a-tu quelque chose qui vient vous rejoindre un peu plus? Ou... Ben, ton affaire d'Origin, il m'intrigue pas mal. Moi, je comme je te disais tantôt, c'est du YouTube Red. Fait que je suis pas sûr que je vais être capable de le suivre. J'ai pas d'abonnement ou de partage d'abonnement. Fait que je suis pas sûr que je vais le suivre live quand ça sort. Mais c'est quelque chose que je vais binge-watcher quand que je vais être capable de mettre la main dessus. Sinon, personnellement, je suis très Daredevil, Marvel Series, pis tout. Fait que ça va être la même chose pour moi. Moi, je pense que aller là-dedans. Sabrina, je vais peut-être y donner une chance. Moi, je vais y donner une chance à Sabrina. J'ai juste hâte de pour le côté Weird Witch, Got un peu, peut-être, voir que ça donne. Si après 2-3 épisodes, je vois que c'est la crise de mort de Cheesy Kitten Teenage Girl, ben je vais lâcher, mais... Oui, ça, moi, c'est clair que Daredevil, ça fait partie de ma watchlist. J'ai beau niaiser à vouloir boycotter Night Flyer, c'est sûr que je vais jeter un coup d'œil pareil. Mais sinon, on parlait tantôt, je sais pas si c'était hors honte, mais on a parlé, tu sais, il y a Maniac que j'ai pas encore commencé, que je vais commencer avec ma blonde. Très spécial. Mais là, on est en train de finir Elementary, c'est qu'on va finir ça avant, puis on va switcher à Maniac après. Puis Maniac puis Daredevil risque de meubler pas mal mes heures télévisuelles pour l'automne. Perfect ça. Moi je veux regarder sur Netflix American Vandals depuis que j'ai vu le monde qui American chie partout. Vandals. C'est pas ça la série que... Non. Oui, c'est l'espèce le de faux documentaire dans du gars qui a fait là, qui vomit partout parce que c'est le gars qui a fait des graffitis de pénis, mais que c'est comme un faux documentaire inspiré de Making a Murderer, mais là c'est comme un mockumentary. Il a mis du X-Lax dans toutes les genre le punch de l'école ou la machine à eau de l'école. Ce qui est arrivé, c'est que tout le monde il filme puis dans les corridors d'école dans la cafétéria ça vomit puis ça chie partout. Il y a du monde qui c'est ressorti récemment sur Facebook en fake news parce que les gens pensaient que c'était vrai. Le monde pensait que c'était vrai, mais c'était juste la vidéo de dans l'émission genre. Hey, ça, c'est génial, okay, sans joke. OK, ben, il y a du bon. Je l'ai pas vu encore, mais je sais que ça vient de là, fait que je veux le voir. Genre. Là, Milter, oui. Introduit donc le segment jeux vidéo, mon cher. Ben, moi, j'avais préparé plus pour une affaire en particulier. Pas de problème. Je sais pas si je devrais le dire en tu premier. Tu y vas comme tu veux, mon homme. Mais il y a beaucoup de jeux vidéo qui sortent bientôt. Clairement. Des gros noms. T'as Call of Duty qui vient de sortir dernièrement. Je dis pas que c'est un gros nom comme moi je veux jouer nécessairement, mais c'est un gros nom. Moi je veux jouer parce que le Battle Royale. Je veux l'essayer parce qu'il y a beaucoup de modes différents. Ça fait 5 Call of Duty à peu près que j'ai aucun pas joué. Aucun single player en passant. Je le sais. Ouais. Ça, moi c'est la seule raison pourquoi je veux pas jouer. Mais ça fait 5 Call of Duty à peu près que je skip. Ah, fait que je suis peut-être dû pour au moins essayer un nouveau pour faire. Ah, c'est pas si pire. Sauf la seule affaire, c'est que ça me tente pas de le commencer ou de l'essayer dans 3 mois. Parce que justement, si c'est un online only, dans 3 mois, Je vais être en retard en maudit sur tout le monde qui va connaître les maps, connaître les guns, connaître les affaires. Mais le mode Battle Royale va te permettre de quand même, même si le monde connaisse les maps, connaisse les guns, vu que le loot est généré, ça l'aide quand même de savoir où t'en aller puis de savoir où ce que le loot est. Parce que même si c'est random, il est là ou il est pas là dans une game. Il y a des spots pre-generated pareil. C'est pas random dans le sens que hey, il est dans l'arbre, il est là, tu sais. Il y a des spots, puis une fois que tu les connais, même à Fortnite ou PUBG, c'est un peu différent parce que c'est des maisons. Mais tu vois, dans Code, tu as les maisons aussi, puis tu as les véhicules. Fait que c'est plus près d'un PUBG que d'un Fortnite. Au moins. Hein. Mais ça reste, c'est les mêmes places où qu'il a. Mais tu sais, tu parles, il y a des gros noms. Il y a Forza qui vient de sortir, Mega Man 11 pour le monde de rétro. Et là, j'en vois une couple là, mais là, qui s'en vient justement, Starlink, Call of Tulu. Red Dead Redemption, que c'est lui que moi j'ai pris une page et demie de notes dessus. My God. Puis pourquoi une page et demie? Ok, check. Ben, t'sais, on fera la liste après. J'ai là, pas écrit pour le monde qui le voit. J'ai pris des notes, mais c'est pas des paragraphes complets non plus. Là, on va se le dire. Mais là, je te sens hypé puis fébrile, Joe. Là. Un peu. Ben, tu veux que j'en parle? Pourquoi? Parle-en, vas-y, partage-nous ton excitation. Let's go. On s'entend, first of all, c'est un Rockstar Game. Ok. Une compagnie qui fait des Christy de bon jeu. Oui. Guillaume, il a parlé de single player. C'est le jeu excellent, d'après moi, pour faire un single player du Rockstar. Ils se sont donné, puis j'ai vu ça dernièrement en plus, ils s'avaient donné comme mission d'entreprise. Tu sais, des fois, le monde travaille dans des vraies compagnies, là. Ils savent que les vraies compagnies ont un motto, puis une mission d'entreprise, puis une vision. Mission, vision, valeur. Des fois, c'est juste une phrase que tu regardes, ça veut pas vraiment dire grand chose, mais ça veut dire quelque chose pour l'entreprise. Puis eux autres se sont donné comme but ou comme vision que l'histoire doit toujours être à l'avant-plan et de qualité et quelque chose de même. Il y avait trois points, il y avait l'immersion, le gameplay doit toujours être à son meilleur pour eux autres au moment qu'ils sortent le jeu. Puis une autre affaire, je me souviens plus c'est quoi, mais c'était d'être honnête à soi-même, c'est vrai. Ah, c'est cool, fait que ça. Quand ils font un jeu, puis qu'après ils se font dire de la merde par des gouvernements américains comme à tous les astis de fois que Rockstar sort un jeu ou de quoi, les autres sont comme non, on est honnête à nous autres, on pense vraiment à ça. Ils font toujours une satire de la culture américaine ou de quoi. Puis même si ça va être Red Dead 2 qui se passe en 1890, inquiète-toi pas qu'il va y avoir de la satire qui vient chercher des sujets d'aujourd'hui. Sans nécessairement de briser l'immersion de l'histoire ou de quoi de même, ça j'en suis convaincu. Mais c'est quand tu penses à un jeu de même. Moi je pensais à GTA V qui est sorti il y a 6 ans, 5-6 ans. Environ. À peu près, tu sais. Où tu peux aller de plus là-dedans? Tu te dis, c'est quasiment une régression en plus, dans le sens que, ben là, ils n'ont plus de char à faire, c'est des chevals, ils n'ont plus besoin de faire de building, c'est du désert partout avec de temps en temps 4-5 maisons. Tu sais, non, mais c'est vrai, tu te dis, où est-ce qu'ils vont aller dans l'innovation? Tu n'auras pas d'hélicoptère, là, puis de jet là, dans ce jeu-là. Là. On s'entend-tu que si t'en as, c'est. Dans, fuck-up, là, dans ma tête, je me suis mis un timer quand on a commencé à parler de Red Dead, je me suis dit, dans le chat, il y a un élément qui va sortir. Puis je trouve que ça fit ironiquement avec avec ce que tu viens de parler, de dire tu sais c'est quoi la prochaine étape pour un jeu, puis c'est comme une régression. Puis très en partant, on a Furious Angel qui nous parle. Mais je l'ai décrit dans mes points qu'est-ce qu'il vient d'écrire, fait que au pire je te laisse faire ton on build up pas c'est suite, mais fais ton Furious build up. Angel, yes, tu l'as, t'es en même place que nous autres, mais c'est justement c'est les détails de où ce qu'ils peuvent aller. Ouais. Puis c'est là que j'ai écrit, là, gars. Ils ont ramené dans ce jeu-là l'hygiène. Tu sais, dans GTA, San Andreas, tu peux devenir gros si tu manges trop d'hamburger, tu peux t'entraîner, devenir plus cut, nanana, puis tout. Eux autres, ils ont ramené le poids. Si tu manges comme un porc, puis tu te promènes juste en cheval tout le temps, puis que tu cours jamais ou tu te bats pas à fist fight, là, de l'activité physique, tu vas devenir gros. Si tu te rases pas ta barbe à pouce. Ça, c'est nice. Si tu te coupes les cheveux, c'est pas comme dans GTA V qui disent tu vas au coiffeur puis qu'il te pousse un afro ou quelque chose. C'est ça. Faut que t'attends du temps. T'as un time lapse, plusieurs jours que tes cheveux repoussent pour pouvoir t'y couper. Fait que rase-toi pas la tête là, si tu veux. Ouais, c'est ça. Parce que si tu te rases, ça va te prendre un temps avant que c'est tu puisses un extrêmement long temps. Puis la saleté. Ils disent que tu vas être dans la boîte puis tu cours après du monde, tu tues un gars, t'as plein de sang sur toi, ça paraît, puis faut que t'ailles te laver, faut que t'ailles laver ton linge. Si tu rentres dans la ville plein de sang, le monde, les NPC interagissent différent à toi. Ce qui est un peu normal. Ce qui est très normal, mais dans plein d'autres jeux, tu viens de gonner plein de monde, t'es plein de sang, tu rentres dans le dépanneur, puis t'achètes un health pack, puis déjà que tous les dépanneurs vendent des health packs, oui. Mais tu rentres là, t'achètes ça, puis tout va bien. Il n'y a pas personne qui dit rien, mais là, ils ont pris le temps de faire une intelligence artificielle pour ça, pour les NPC. Parlant d'NPC, quelque chose que j'ai remarqué, ben, il réagit premièrement à ton look. Ils ont des jobs. Ils ont l'interaction avec toi à leur job. Fait que si toi, tu passes à côté dans GTA, là, qui est jamais arrivé en quelque part puis qui fait juste puncher quelqu'un de random dans la rue? Pas mal tout le monde fait pas ça. Pas mal tout le monde fait ça. Ben là, dans ce jeu-là, okay, on s'entend qu'il y a peut-être un peu moins de random NPC parce que c'est pas une méga ville de plusieurs millions d'habitants. Mais le gars que tu punches dans la rue, il a une job. Fait que si tu vas à son General Store 2 heures après, là, il s'en souvient que tu y as punché une shot gratis d'en face de même, genre. Fait que il est moins cool avec toi quand t'essaies d'acheter des affaires, tu sais. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, je trouve ça écœurant. Puis en même temps, dans les General Store, puis tous les magasins, dans tous les magasins, c'est comme L.A. Noire quand tu prends un esti d'affaires puis tu le regardes dans tous les sens pour aucune raison. Tu sais, genre dans L.A. Noire, il y a comme 3 fois dans tout le jeu, ouais. Genre que ça sert à quelque chose de checker, puis oh, il y a un indice en dessous. Tu peux faire ça avec toutes les canettes. Fait que là, t'achètes une affaire qui te donne du health, admettons, ben tu vas le prendre puis tu vas regarder en arrière puis ça va te dire plus un health, plus, tu sais, la statistique de la canette. Fait qu'il faut vraiment que tu lis chaque canette ou chaque bouffe ou chaque cossin que t'achètes. Ça, c'est nice, ça. C'est du détail. Il ouais. Y en a qui vont dire que c'est inutile. Mais c'est l'immersion mais aussi. C'est ça. C'est écœurant. C'est inutile, ouais. Mais c'est écœurant. Puis, tu sais, genre, il y a des choix. Un peu comme Fallout, je trouve. Tu parles au monde, tu fais de quoi, tu interagis avec, tu demandes, il y a deux, tu as des choix de discussion qui va interagir, tu sais, que ça va tout déblater. Ça va des répercussions sur l'histoire. Exact, sur les autres, comment ils interagissent avec toi. Ils disent, s'il est en train de si la personne avec tu viens, pas tu viens de tuer, mais sa famille vient de mourir au complet, puis t'arrives, puis t'accroses dans ta phrase. Ils disent c'est pas bon. Là. C'est peut-être pas le bon timing. C'est exact, tu sais, c'est ça, c'est toutes des affaires. Puis après, la personne, elle va peut-être te parler comme puis te prendre pour un esti de cave, tu sais, genre, puis t'offrir moins un deal ou whatever. Une affaire qui m'a fait capoter, que j'ai lu comme détail, la moyenne des NPC, le texte qu'il y a d'enregistré pour chaque NPC est en moyenne 80 pages de texte. On s'entend que c'est du dialogue à la théâtre, c'est pas du gros texte plein de paragraphes, c'est pas une encyclopédie que tu lis, c'est du dialogue. 80 pages pour un kiss d'NPC qui est juste sur le bord d'un saloon, genre, puis que son rôle, c'est un peu ça. Puis c'est l'attention au détail, c'est vraiment... C'est incroyable, tu sais. Le jeu... fait qu'un jeu, justement, va avoir un replay value, surtout. Je cherchais le mot français, ton expérience sera pas la mienne, qui sera pas la tienne non plus, tu sais. Puis c'est pas pour rien que le jeu il est supposé peser 105 gigs. C'est un peu lourd. Juste un peu. Ça peut être long. Moi, personnellement, c'est un des jeux que j'ai le plus. Que j'ai vu cool. Le plus lourd à la base. Ouais. Ça, c'est sans parler du online. Là. C'est plus pesant que World of Warcraft. Bon, oui. Puis ça a l'air que ça va être bien plus détaillé aussi. Clairement. Il y a des affaires qui me faisaient triper aussi du gunplay. Juste, c'est niaiseux, c'est un petit détail. Tu sais, comme à NHL, là, tu peux gosser avec la puck. Là. Ouais. Mais là, tu vas pouvoir sortir ton gun, puis le flipper. Puis probablement manquer un shot de temps en temps. Puis pointer ton cheval. Exact. C'est du GTA, fait que c'est sûr qu'il va avoir un genre d'humour de même. Ils ont changé. Est-ce qu'il va avoir un NPC qui ressemble à Lindsay Lohan? Peut-être. En train d'essayer d'attaquer probablement des sans-abri pour voler leurs enfants. Les leurs connaissants, enfants. Ils vont sûrement faire de quoi. Il va avoir de quoi avec ça. C'est... Moi, je pense qu'il va vraiment avoir un Easter egg de DeLorean enterré sous une caverne. Je suis sûr à 100%, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il va avoir de quoi là-dessus. Ils ont inspiré de Max Payne. Tu sais, dans le GTA 5, là. Ouais. Non, il y a un genre de bullet time slow-mo. C'est le Dead Aim. Dead Eye Gun, là. Mais c'est très similaire, j'avoue. Là. Mais ils se sont inspirés dans le sens que GTA 5, là, tu joues, tu ouvres ta weapon wheel, là, qu'ils appellent. Puis t'as genre 10 pistoles, 10 mini SMG, 10. Ouais, là, tu peux plus traîner tout ça. Là, t'as maximum 2 guns, 2 carabines. Réaliste, là. Puis sont tes voix visibles sur toi tout le temps. Ouais. Si t'es pas capable de la traîner sur toi, t'as pas acheté un nouveau holster ou quelque chose, un fuck peu, you. Là. Tu mais un peu comme t'as tu vas voir dans Ghost Recon, c'est un peu le même principe. Ouais, exact. C'est de l'inventaire réaliste. Là. C'est de l'inventaire réaliste. Puis eux autres, ils ont poussé une petite affaire. Un gun dans le temps, là, un revolver, là, tu mets pas ça dans l'eau. Là. Non, non, ben, si, tu ramènes, puis... si tu traverses la rivière avec ton gun, là, parce que la map qui a été leakée, t'as une belle rivière qui coupe la map en deux, là. Tu traverses la rivière, il faut que tu ailles huiler ton gun puis l'entretenir, sinon il va te jammer puis te péter ouais. dans la face. Il y en a qui vont dire que ça fait un peu Zelda Breath of the Wild. Ça fait, fait Daisy, en fait. Ça fait ouais, aussi, mais ça fait réaliste. Ouais. Il dit, puis aussi, à la GTA 5, t'as des stats. Plus tu tires d'un gun, plus tu deviens bon avec ce gun-là. Mais faut que tu l'entretiennes. Fait que tu sais, il y a une fait que t'es hypé pour Red Dead, toi, finalement. Moi, je suis même pas au tiers de mes affaires. Mais y a-tu des fun facts, genre vraiment out of this world, là, c'est pas rapport, là. Ben, je peux te dire, gars, m'a donné une affaire, c'est peut-être pas rapport, là, mais j'ai vu sur un site aujourd'hui qui comparait que GTA 5, techniquement, ils disent le story dure 30 heures. OK. Juste le story. Moi, j'ai fait GTA 5 au Xbox 360, à 100%, là, toutes les affaires que je pouvais trouver, side quest, toutes les affaires, trouver 80 barils en dessous de l'eau avec un sous-marin, là, je l'ai fait. Ça m'a pris 90 heures. Et quand je l'ai refait au Xbox One, parce que je suis le même, là, à 100%, j'ai fait en 80 heures. Parce que je savais un peu où m'aligner plus. Il y a des affaires, tu fais pas la même erreur deux fois, blablabla. Bla, bla. C'est du stock pareil. Puis là, ils disent, ça c'était pour 30 heures de story, 80 heures, 90 heures de jeu, 100%. Ils disent que Red Dead 2 va être 60 heures story only. Ouais, si on fait le double, si on fait le double, j'en ai pour 160-180 heures à faire le 100%, qui inclut des affaires comme t'as 200 races d'animaux à chasser, que ça soit des poissons. Ben, on chasse pas le poisson, mais il va y avoir de la pêche, justement. Cry, là, ouais. Mais il y a des oiseaux, des ours. Ils disent que ça passe des alligators aux ours. Parce qu'il y a un bayou, il y a une section bayou, fait qu'il va y avoir des alligators. Ils parlent beaucoup de mettre du hand-to-hand combat comparé à des GTA, puis des affaires. Ouais. Ils ont pris le modèle de Bully, qui est Bully 2 très rumored de sortir bientôt. Mm-hmm. Ben, pas sortir bientôt, mais d'être en production. Ben, qui est sûrement leur prochain ben, gros sûrement, IP. C'est là. Ça, là, ils vont le sortir, bien, ils vont en parler bientôt. C'est pas nouveau, mais First Person View, un peu à la GTA 5, ils ont dit ça là, on le rend tout de suite. Correct, ça. Quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est encore du détail, mais un Complete HUD désactivé, si tu veux. Puis quand tu le désactives, il y a une genre de rumeur qui dit que les NPC te donnent plus de direction dans leur dialogue, juste en parlant de même. Ouais. Fait que si tu sais où aller avec ta map, c'est correct, mais si tu le mets pas, ils vont te dire comme hey, j'ai vu par là un feu de camp, puis tu sais, il va te garocher des petits hints plus faciles pour avoir une meilleure immersion. Pour t'aider aussi à savoir où t'en aller. T'sais. Ça sort quand ça, Joe? 26 octobre. Fait que dans deux semaines. Le vendredi pas qu'il s'en vient l'autre. Oh, ça c'est intéressant ça. Ben, moi j'attends juste de revenir du WEG là, pour, pour payer ça. Ben, il est déjà pre-order, là, mais je veux dire, downloader ça, puis... ça, c'est, tu ça. Vois, c'est ce qui est triste avec ce jeu-là, c'est que ça va être un crise d'upgrade de PS4 Pro pour moi. Parce que je veux mon 4K dans le salon avec ce jeu-là, puis et je veux en profiter. Pour dire la chose à Furious Angels, les détails, là, ouais. C'est tellement important là, qu'ils disent que même la grosseur des testicules de ton cheval va être affectée par la température. Fait que si t'es dans une zone froide, la neige, il y a des montagnes, là, je l'avais marqué. Le Ambarino, qui est des montagnes de neige, là, ben tu vas avoir des petites couilles toutes têtes, là, toutes serrées. Puis si tu t'en vas dans le Heartland, qui est le classique cowboy saloon, chaleur, setting, ça va pendre, puis se barloter d'un bord à l'autre. Oui, la question, c'est le sound editor qu'il faut qu'il fasse le son, genre des couilles qui tapent dans les cuisses. Un peu le mémoire interne est rentré, là, puis il a fait comme, bon, OK. Fait que ça va me prendre 3 ballons en latex, de l'eau, puis de la vaseline, s'il vous plaît. Ah, ben, en tout cas, ça va être un jeu incroyable, d'après moi. Puis, ce qu'on sait là, comme tous les jeux de Rockstar, ce qu'on sait là, c'est rien. C'est le tip of the iceberg. Ils vont sortir de quoi? C'est sûr qu'il va y avoir un genre de GTA 5 peyote seeds que tu ramasses un cactus à terre. Qu'est-ce que c'est ça? Tu te transformes en chien. puis tu te mets à pisser sur les jambes. Toutes les easter eggs de ce jeu-là, je pense, c'est ça qui va être incroyable. La meilleure partie du jeu, ça va être les trucs qu'on va découvrir là-dedans. Les rumeurs, moi, c'est-tu quoi? Ce que j'aimais, c'était les rumeurs de Grand Theft 5, de genre, ça a l'air un Sasquatch dedans, mais il est pas prouvé. Puis là, maintenant, si on l'a trouvé, le Sasquatch, il y en a un pour vrai. Puis t'as les chasseurs de rumeurs de jeux de Rockstar que je trouve cool. C'est leur univers de des fois, le GTA, là, je m'assisais juste, pourquoi je m'assisais, je me dis, j'arrêtais dans une ville, là, puis je checkais les murs, puis tu checkes les graphs, là. Ouais. Puis tu fais, ok, Chris, c'est en train de dire de quoi, là, tu sais, il y a quelque chose, soit qu'il y a un message que tu fais comme, wow, soit qu'il y a une parodie de quelque chose qui est une petite joke sociale de on rentre ça là-dedans. Ou des fois, il y a carrément un mystère, comme dans GTA V, je me souviens qu'il y avait 7 cadavres enveloppés dans des sacs de plastique à la Dexter dans le fond de l'eau. Ouais. Ça avait aucun lien, avec absolument rien, aucune side quest, aucune mission, aucune story, aucun. Rien. Un artiste qui a voulu se faire un time. Genre, s'amuser, mais tu sais, je suis sûr que c'est eux autres qui ont dit amusez-vous, mais tu sais, trouvez-nous de quoi. Puis, un peu plus tard, ils se sont rendus compte qu'il y a des graffitis sur des murs qui parlent de ces cadavres-là. Ouais. Puis que c'est une histoire. Puis là, c'est comme, il y a une histoire dans GTA qui n'a aucun rapport avec quest. L'histoire. Aucune quest. Il n'y a rien qui t'indique que ça va être là, là. Fait que Milter, dans le fond, il est en train de nous hyper solide sur Red Dead. Je pense que Milter, tu vas jouer à Red Dead en Chris, mais que ça je vais jouer beaucoup, mais je suis même pas hypé dans le sens que j'ai pas peur. Ouais. Je le sais que même tout ce que je suis en train de dire là, ça va être fuck all à rien. J'ai parlé des guns qu'on tombe. C'est la pointe du iceberg. J'ai même pas parlé du lasso que eux autres ils ont pas parlé, qu'on sait tout quand il va avoir un lasso que tu peux attacher du monde. Puis première chose que je vais faire, c'est de crisser quelqu'un attaché sur une rail de train là. Puis j'ai déjà vu que je peux brûler les cadavres. Fait que tu sais, c'est comme wow le détail. Je vais le faire fait une fois. Fait qu'on va streamer du Red Dead finalement, c'est ce qu'on annonce. Là. Oh oui, oh oui. Génial. Oh oui. Ça va être nice. Mais un jeu, gars, je vais te dire un exemple. Fallout 76 qui s'en vient. Je suis hype. Astille, mais j'ai out. Plus peur avec lui. Je le sais pas, mais j'ai plus d'impression que je pourrais me planter avec lui que Red Dead. Moi, tu vois, je le vois différemment parce que Red Dead, ça va être pour l'histoire. Puis Fallout, je sais que pour le multiplayer puis pour aller jouer avec le monde, je leur fais une confiance aveugle. Je suis sûr et certain que ça va être le fun. Mais là, c'est rien que ça, par exemple. C'est ça. C'est rien que ça. Mais tu vois, je suis sûr que ça va être le fun parce que je suis déjà un client pour ce type de jeu-là. J'ai joué à Rust, j'ai joué à Ark, j'ai joué aux autres trucs. Fait que tu sais, Fallout, j'ai l'impression que la première semaine, je vais le savoir. Ouais. Si ça va marcher ou pas, genre là. C'est le genre de jeu qu'on va s'ennuyer du bon vieux temps où on louait des jeux. Tu sais, genre, tu passes une fin de semaine avec, tu le laisses en ligne, tu fais ah, ok, ça marche bien finalement, puis let's go. Guy, c'est quoi que t'as hâte, toi? Vous allez me trouver plate en sacrement. Non. Oui. Mon automne est booké. Ouais. C'est Forza. Oui. Ceux qui écoutent le podcast depuis plusieurs années savent que j'ai joué à Forza 3 beaucoup. Je sais même pas j'étais à combien de centaines d'heures dans le jeu, honnêtement. Le 4, on est pas mal tout en train de jouer en ce moment. Tu parles de Horizon 4, par Forza exemple. Forza Horizon 4, évidemment. Vous allez jamais me trouver dans un motorsport, je suis pas capable. Horizon, j'aime le open world, puis c'est vraiment le fun. Ouais. C'est que je vais jouer à ça jusqu'à l'année prochaine, honnêtement, sans arrêt. Puis dès que je vais m'écœurer ou je vais avoir besoin d'une pause, j'ai du back catalogue à n'en plus finir. Je veux dire, j'ai pas encore fait Assassin's Creed Origin. J'ai commencé genre une heure dans Watcher, pas Watcher, excusez-moi. Witcher. Le jeu de hacker de Ubisoft, là, j'ai un blanc de mémoire. Watch Dogs. Watch Dogs 2, j'ai joué genre une heure. J'ai bon, c'est que lui avec je vais le faire. Il y a Assassin's Creed Odyssey qui vient de sortir il y a quelques semaines. Que moi, il faut que je fasse Origin. Mais l'Origin, il n'a même pas commencé. Je viens de l'installer pour être sûr que j'aille toutes les patchs pour quand je vais vouloir commencer à jouer. Sinon, dans une Steam Sale récemment, j'ai pris Mad Max à genre 5 ou 7 piastres. Il est bon, Mad Max en plus. C'est bon, c'est que j'ai du back catalogue à tonne. Red Dead, je suis pas un. Je suis pas la clientèle cible. Je veux dire, j'ai essayé le 1, j'ai pas trop trippé, mais je suis vraiment pas fan de tout ce qui est ce qu'ils appellent des pièces historiques. Mm-hmm. Même dans les jeux, tout ce qui est Call of Duty, Battlefield, quand ça se passe dans l'ancien temps, j'embarque pas. Je suis pas capable. Mais Battlefield 5, si je me trompe pas, c'est très modern. Non, le V, il va être non, il est encore dans l'ancien. Il est encore en deuxième. Mais c'est comme les Call of Duty, je jouais les Advanced Warfare, Infinite Warfare, les Black Ops. T'es servi, parce que c'est rendu tellement futuriste. Mais c'est ça que j'aime. C'est ça qui... quasiment Call of Duty, Star Wars. Exact. Mais c'est ça qui m'attire un peu plus. Non, c'est Battlefield, c'est vrai. Puis, tu sais, dans ce qui sort, c'est comme... là, tout le monde capotait. Là. Artifact, le premier jeu que Valve va sortir, genre hashtag Alpha. Moi, je n'ai même pas entendu parler. Je sais même pas c'est quoi non plus. C'est un jeu de cartes. C'est un Hearthstone. C'est un jeu de cartes. Fait que, tu sais, toute la hype. Juste Eric qui serait hype au bout. Mais tu sais, parce qu'au début, le monde, il y a eu des teasers il y a quelques mois, puis c'est comme Artifact 20 par Valve. Mais tu sais, c'est un jeu de cartes. Just Cause 4 qui s'en vient, qui est... c'est des jeux de démos techniques. J'ai le 3, j'ai joué un peu, je vais continuer à jouer un peu. Just Cause, c'est genre insérer des explosifs dans le cul d'une vache simulator, puis tu sais, c'est... Non, mais c'est ça. Grapple aussi, puis jouer avec la physique. Honnêtement, je suis pas en train de descendre Red Dead, au contraire, c'est selon moi, le jeu est même pas sorti, puis selon moi, ça va être le Game of the Year. C'est clair. Le seul jeu qui, moi, en ce moment... Mais on s'entend qu'entre Just Cause, puis un Red Dead, ou n'importe quel jeu de Rockstar... Ça se compare même pas, c'est sûr. Il y a une crise de différence côté... contenu juste de ben l'intention du jeu est totalement différente. Ben, c'est exact. Ça aussi, tu sais. Mais tu sais, moi j'ai trippé Grand Theft Auto. Ben, j'ai hâte que le prochain s'en vienne. Ça, je vais embarquer. Mais Red Dead, non? Non, pas... moi je suis pas. Les affaires de se promener à cheval. C'est Cowboy. J'ai même Skyrim puis Elder Scrolls. Les autres Elder Scrolls, le cheval, là. M'en colle ici, je veux dire. Mais moi, c'est le médiéval dans Skyrim ou ces affaires-là. J'ai embarqué dans le médiéval. Ça, j'ai pas de problème. Chevals, le fantastique médiéval, j'embarque. Dans le western, je suis pas capable. On dirait que j'ai comme un blocage. Puis, tu sais, Back to the Future 3, c'est le plus plate pour moi. Là. Je le trouve pas. Ah ouais. Moi, tu vois, autant l'histoire... que t'aimes pas les nains fantastiques. J'adore les nains. Non, excuse, c'est vrai que t'aimes les nains, mais t'aimes pas les. J'aime trucs pas le fantastique. Moi, l'histoire du 1 était tellement venue me chercher, mais ça les m'avait nains, pris un bout avant d'embarquer. Mais t'es correct parce que tu vas pouvoir jouer à Red Dead avec du fantastique parce qu'il avait fait un mode de zombie dans le 1. Mais quand ça va sortir, je suis sûr que celui-là, il y a des aliens. J'en profite, c'est correct parce que moi, le jeu, c'est Cyberpunk qui me fait genre. Moi, j'écoute. Cyberpunk, je suis d'accord. J'ai tellement hâte de ça, mais on sait pas. Bon. Personne ne sait quand est-ce qu'il va sortir. Pourquoi j'aime le cyberpunk, mais j'aime pas le steampunk? Parce qu'il y en a un, c'est... Puis j'aime le punk. Le cyberpunk, c'est comme... Parce que t'es encore modem. Traumatisé. Moi, j'appelle ça le Wild Wild West effect. T'es encore traumatisé par ce film-là. Même à l'époque que j'ai vu Wild Wild West, je savais même pas que le steampunk était quelque chose. Mais tu savais que t'avais pas ça. Que ça existait dans un sens. Puis tu savais que t'avais pas ça. Ouais, mais non, c'est que j'en profite. Tu sais, j'essayais de trouver dans ma tête, c'est quelle époque ça, genre? Mais pourquoi le monde, ils font du sex weird? Genre, c'est quoi cette affaire-là? Mais petite parenthèse de steampunk, quand j'ai été au WordCamp US, qui est la plus grosse conférence de WordPress qui se tient aux États-Unis il y a 2 ans, c'était à Philadelphie. Puis on rentre dans j'avais amené ma copine avec moi, puis on rentre dans l'hôtel, on prend notre check-in puis tout. Puis il y avait une convention de non mais t'as-tu WordCamp US? Mais je suis rentré en tout cas en vacances. Non, c'est à Salt Lake City, excuse. Quand j'ai fait mon road trip dans le sud-ouest des États-Unis, on rentre à Salt Lake City, il y avait une convention de steampunk dans notre hôtel. Puis il y avait du monde cosplay steampunk dans le tapis. Puis moi j'étais comme, tu sais, je disais, j'ai pas aucun problème, là, vous faites ce que vous voulez, mais c'est comme, je regardais, c'est comme, c'est pas ma gang. Pas mais c'est ça, moi j'ai pas de problème avec des cosplays d'animé, des cosplays de comic book, tu sais, c'est comme, ça vient chercher mes petites fibres de, justement de fans d'animé puis de comic book, mais le steampunk, ça marche pas. C'est comme des furries, je sais pas qu'est-ce que ça vient chercher. J'ai l'impression, le steampunk, c'est comme des transhumanistes rétro, genre. Comme, pourquoi tu voudrais te mettre une prothèse en. De balayeuse. Ouais, non, mais c'est weird leur fucking affaire, là. T'sais, ils se mettent quoi dans l'œil, là? Puis c'est comme un coucou, une boîte qui ouvre avec un. Je sais pas, de la steam, pis tout. Tandis que tu voudrais plus quelque chose de transhumaniste. Ben, de cyberpunk. Je peux comprendre le volet. Ouais, ben ouais. Je peux comprendre le volet analogue, mécanique, ou du genre. Tu sais, ça existe, puis il n'y a pas d'ordinateur qui contrôle ça. C'est des engrenages, des trucs comme ça. Je trouve ça cool. Tu sais, on a joué la plupart d'entre nous à Dishonored. Dishonored, qui était un jeu de Bethesda qui était quand même bien, qui était un peu j'avais steampunk. J'avais 4 Honor dans la tête, mais ouais, Dishonored. Ouais. C'était steampunk, dans le fond. Mais je suis un peu à la même place. Le steampunk, j'embarque vraiment moins. Mais les gens qui trippent là-dessus, honnêtement, j'en ai rencontré dans le cadre du Geek Collectif, quand on se promenait dans les Comic-Con ou ailleurs, ou sur Internet. C'est des gens qui sont fucking passionnés. C'est sont du bon monde. Ouais, non, avant que le monde parle. Non, c'est ça. J'ai rien contre les autres. Je comprends juste pas le hype. Le hype, le vibe avec ça. Puis je sais pas, je vois ça, puis j'ai le choix entre l'autre côté de Cyberpunk avec la même affaire, mais un œil laser, je suis comme, je vais prendre l'œil laser de... bien avant l'œil qui fait de la steam. Là. Ouais, ouais. C'est genre les c'est comme deux sexes, c'est ça, c'est, moi c'est... Je trouve que c'est la même affaire, mais comme un qui est dans le temps moderne, puis l'autre c'est comme, on est en 1935. Mais t'avais un jeu que je jouais qui était comme un genre de Baldur's Gate dans le temps, c'était mon chum Fred qui m'a passé ça, c'était Arcanum. C'était steampunk sur l'ordi, puis c'était quand même bon. Ça, si vous trouvez ça dans du Abandonware, ça vaut la peine. Pour ma part, là, moi, je suis un peu dans la même place que toi, Guy. J'ai un back catalogue quand même assez imposant. Faut que je finisse Final, le dernier qui était sorti, que j'ai pogné au PC. Je joue beaucoup à Forza Horizon 4. J'ai recommencé à jouer à State of Decay 2. Il y a un DLC qui est sorti que j'ai pas pogné encore. Mais ils ont fait une couple de patchs sur State of Decay, puis j'aime ça. Et je joue un paquet d'affaires, mais tu sais, j'étais aux études aussi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme bien des études en même temps, tout le kit, la job, tout le stock. La petite co, j'ai hâte de la finir, puis qu'on passe à autre chose. Mais j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup Fallout 76, Red Dead. Le reste, On n'a pas mentionné Hitman 2. Maître Frank, toi, moi, je l'attends. Tout le monde parle du multiplayer. En tout cas, tout ce que j'ai vu à date, là, parle quasiment que du multiplayer, qui est pas vraiment un multiplayer. Puis personnellement, je trouve que c'est un revamp de la version Assassin's Creed qu'il y avait dans Online, là, il y a pas longtemps, il y a une couple d'années. Ouais, là, ouais. Genre, on va tuer telle personne sans que l'autre te voie. Là. C'était vraiment pas impressionnant, mais c'est un genre de jeu que je joue pour le story solo. Parce que j'aime beaucoup ça, genre de puzzle game 3D, je trouve. Là. Puis depuis longtemps, ça me suit les Hitman. Mais Hitman, c'est un jeu pour les OCD completionistes. Ouais, moi je suis de même. Dans là, le tapis. Puis même moi qui l'ai... Sauf que je catch pas l'online, pourquoi mais... tu se concentres? Non, mais ça, c'est en effet, ça n'a pas d'avoir. Mais tu sais, j'en ai, moi, je sais-tu quoi, c'est un IP qui est mal géré, ça, parce qu'ils savent pas quoi j'ai faire. J'ai le Hitman 1, là, du reboot avec les épisodes. Il est excellent. Il est bon, mais c'est parce que j'ai l'espèce de petit côté toc en moi qui me dit, va faire les avoir tous des bonus, comme tu sais, dans Far Cry, dans les GTA, dans le Metal Gear Solid, tous les jeux, même dans Forza 3, puis ce que je commence à faire dans Forza 4. Moi, si un exemple, il y a quelqu'un qui a fait dans Forza 4 un jump de 344 mètres, ça va être maladif, il faut que j'aille faire un jump de 346 mètres. Je te comprends totalement. Mais Hitman, le 1, à un moment donné, j'étais comme, OK, that's too much. Je sais, j'avais comme une indigestion refaire toujours les affaires pour aller chercher la comme mort. Toi, mais il y a des limites qu'à un moment donné, elle vient me chercher, là, puis je suis comme, OK, j'ai tout fait à mon possible pour le faire, là, vraiment, là, plusieurs fois, puis je ne l'ai pas. Là, je vais passer à d'autres choses. Genre, un moment donné, j'ai juste pas embarqué. Puis Hitman, là, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec l'IP. Puis je pense qu'eux-mêmes se posent la question. Fait que dossier à suivre, je vous dirais. Oui, il m'intrigue, là, parce que je suis un fan. Là, genre, je le lâche pas. Mais en même temps, ce que j'ai vu à date m'impressionne pas. Mais le solo, je suis pas. Je pense que c'est plus le genre de film. Le genre de jeu qui sort. Puis que le monde. Mais ils c'est vont plus... se garocher dessus. T'as-tu remarqué, c'est plus 80$ non plus. Mais, c'est un mais jeu ça, qui c'est te bon. 30$, au moins, ils l'ont compris. Mais qu'après, ils te vendent d'autres épisodes, d'autres missions à comme 10$. Mais ils ont catché que c'est le genre de jeu que le monde va jouer en attendant d'autres jeux. Puis je pense que c'est une bonne place pour Hitman. Fait que tu sais, Battlefield V. Ça va être juste bon, je pense. Comme d'habitude. Ça va être correct. Moi, je sais pas. Ça se passe si ma mémoire est bonne en. Il y a un storyline. Fait que le monde solo qui aime pas Call of Duty vont pouvoir. J'espère jouer juste à qu'ils ça. Ont réglé les problèmes de loading time qu'il y avait dans Battlefront 2 de Star Wars. Puis j'ai tellement. Je pensais dans le Battlefield 4. Dans non, le 4, non, Star Wars Battlefront 2, qui est en fait le même engin. Puis, tu sais, petite parenthèse, Battlefront 2, c'était. J'ai joué Storyline, mais en ligne, j'ai joué moins qu'au 1 parce que c'est trop long. Je passe mon temps à faire du loading, ça n'a pas de calice à l'heure. Ouais, mais tu vois, ça, c'est le genre d'affaire. Moi j'appelle ça là, la belle zone de novembre. Là. Tu sais, Fallout 76, Hitman 2, Battlefield. Quiet Man, Artifact, tu sais, t'as plein d'affaires qui s'en viennent. Moi, le temps des fêtes, choisissez votre cheval, tu sais, puis par cheval, je veux pas vous réorienter vers Red Dead, mais des bonnes chances que vous allez jouer à ça, anyways. Pas mal. Mais console PS4 exclusive Red Dead. Tout va. C'est-tu un full exclusive ou un time exclusive? Non, c'est un. Je parle de la console, elle vient avec Red Dead. Tu sais. Il va avoir un paquet de ventes partout. Il va avoir un paquet de jeux. Vous avez déjà un paquet de jeux que vous n'avez pas fait. On n'a même pas parlé. Steam vont vendre du stock pas cher. 23 novembre, Black Friday. Je dis ça de même. Black Friday s'en vient en plus. Fait que, on s'entend que Red Dead, c'est sûr que Red Dead va être à quelque part. Non, même le 2, je suis pas mal sûr. Parce que Rockstar vont pas perdre avec ça en Black Friday. C'est les gens de Best Buy qui vont le mettre en Lost Leader, qu'ils appellent. Puis ils vont vendre 40$. Ils vont en avoir 10 ces tablettes. Ouais. Mais le monde, ils vont se battre sais-tu pour l'avoir. Je sais même pas que ça va donner cette année parce que je me pose la question là-dessus. Parce que je sais même pas s'ils vont avoir besoin de faire un Lost Leader là-dessus. Ils feront pas un Door Crasher qu'un Red Dead parce qu'il est trop éloigné du Black Friday. Black Friday, là, tu sais, regardez là, les dates de sortie de certains jeux. Là. Mais c'est quand les Fallout? C'est le 23 novembre, hein, le Black Friday. Ils peuvent pas sortir. Ben, tu sais, regardez les dates de sortie. Ils sortiront pas Fallout le 21, exemple, pour le mettre à 40$ le 23. À moins que Bethesda ne font pas de rabais. Puis que c'est genre Best Buy ou whatever, là, je dis n'importe quoi, Walmart ou de quoi, qu'eux autres prennent la perte de profit. Parce qu'on s'entend qu'un jeu vendu 80$, le monde, ils le savent pas, mais c'est encore 76$. Je peux pas vraiment me prononcer là-dedans parce que c'est en obligation contractuelle puis je suis biaisé. Mais d'un autre côté, tu sais, moi je vous dirais, faites juste surveiller. Moi, Battlefield m'inquiète cette année. Puis d'un point de vue où ce que le gameplay m'inquiétait, j'ai pas embarqué dans l'autre. Battlefield, me semble que c'est un choix évident de Black Friday, je pense. Ben, c'est un choix évident que le monde va l'acheter pareil, mais je sais pas ce que ça va donner, tu sais. Fallout, pour moi, ça va être là, je vais rediriger mes bidous. Puis ça fait un peu le tour. Il va y avoir le Super Smash oublié, qui s'en vient. C'est assez gros. Pour la Switch, c'est la plus grosse sortie. Là. Ça s'entend, là? C'est un non-dit, mais ça va être un no-brainer. Ça va être une coupe de vendredi soir arcade pour Eric. Ben oui, ça, il y a un paquet de monde qui attend ça. Moi, guys, on va rapper l'épisode super, mais il y a un volet qu'on n'avait pas couvert. Puis je me suis pris des screenshots, pas des screenshots, mais des liens que j'ai ouverts. Puis, il y a un volet littérature aussi. Ça a l'air con, mais il y a des livres qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Ouais, j'ai pas vraiment fait de recherche. Il y a du beau stock qui s'en vient aussi là-dessus. Premier que j'ai vu, ben, on en parlait tantôt. Il y a Fire and Blood, 300 Years Before a Game of Thrones, A Targaryen History, A Song of Ice and Fire, dans le fond, qui sort le 20 novembre. George R. R. Martin prépare ses prequels. Apparemment qu'il y a un deal de prequel qui va se faire à quelque part. Fait que, tu sais, ce livre-là va sortir. Il a arrêté d'écrire les present books pour écrire des prequels. Mais selon les mots dits de George, c'est qu'il travaille toujours en parallèle sur plusieurs choses en même temps. Je pense qu'il y a plusieurs histoires à faire. Puis, tu sais, on s'entend, regarde, le deal avec HBO est fini. Là, il va y avoir telle affaire. Ça doit être fucké, ça. Il se prépare. Moi, j'ai de la misère à jouer à deux jeux en même temps. Lui, il écrit comme trois livres en même temps. Pourquoi tu penses qu'il y a de la misère d'en publier un, Asti? Ouais, il y a trop de side projects. Je sais qu'il écrit un moment donné comme 5-6 pages bien intenses, puis il fait « Fuck, je suis dans le mauvais livre! » Fait qu'il y a ça qui sort le 20 novembre. Également, il va y avoir un livre qui va sortir le 6 novembre. C'est « Mass Effect Annihilation ». Il y a beaucoup de monde qui ont joué à Andromeda comme moi, puis qui se sont posé la question « Qu'est-ce qui est arrivé avec l'arche des Quarian? » Ben, ce livre-là va l'expliquer. C'est un tie-in dans l'univers d'Andromeda. Ça va sortir en paperback à 7$. Fait que, tu sais, si t'as trippé sur Mass Effect, puis tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ça, c'est du canon. C'est écrit par quelqu'un qui est Catherine M. Valent, qui apparemment, c'est une New York Times best-selling author. Mais, tu sais, ça va être cool. Ouais, ça va être une histoire qui s'en va là-dedans. Ben, de voir juste la prémisse du livre, quand j'ai lu ça, je trouve ça cool, la twist qu'ils ont donné. Fait que ça va être quand même nice. Ça peut faire des beaux cadeaux de Bonne Noël, ça a l'air niaiseux. Ça, on en reviendra un moment donné, là, parce qu'on va faire un épisode de Noël et de cadeaux et de cossins, comme à chaque année. Je vais reprendre en littérature, vous allez mais, voir. Mais, tu sais, t'as vu Mass Effect qui va sortir le 6 novembre 2018. On a également Alice Isn't Dead, que j'étais intrigué, un livre de Joseph Fink, qui est à propos d'un trucker qui va essayer de trouver sa blonde ou quelque chose de même. Ça a l'air fucké. Elle doit s'appeler Alice. Puis j'imagine. Puis j'aimerais terminer avec un truc qui va être quand même cool, qui sort le 23 octobre 2018. Ça s'appelle Fallout, The Vault Dweller's Official Cookbook. Fait que tu sais, tu disais tantôt, là, ton 3 fois par jour, mais là, je fais le segue et je book la book. Mais Fallout, le 23 octobre, il y a un livre de cuisine de Fallout qui sort. Il va être disponible. Présentement, je le vois sur Amazon. J'imagine que ça va peut-être être en librairie aussi également. C'est un hardcover. De nos recommandations de consommation de culture. C'est de quoi qui peut faire un méchant beau cadeau pour un triple de Fallout. Puis, c'est un hardcover à 22,48 qui va sortir. Fait que ça, c'est quand même nice. Le livre de cuisine, il a l'air cool là-dessus. Fait que, guys, c'était un peu de façon assez épanouie. Nos trips qu'on va avoir dans le fond, tout ce qui s'en vient d'ici la fin de l'année. Il y a beaucoup de stock dans le podcast. Moi, je serais curieux de savoir de votre côté Vous écoutez l'épisode aujourd'hui, mais il y a sûrement de quoi qui vous a fait triper ou il y a de quoi qui s'en vient qui va vous faire triper qu'on a obligé de On vous a tu hypé. Qu'on a oublié de mentionner. Fait que, on les oublie, tu parles. On n'a pas parlé de bande dessinée, mais ça va aller. Je vais faire un article sur notre blog avec Guillaume. Je suis sincèrement désolé parce que tu avais mis un peu de recherche là-dedans. Le temps file, fait que c'est cool. Fait que, en plus, le site web, vous allez voir Guillaume quand il met des articles là-dessus, c'est quand même vraiment complet. Et suite au podcast hors série dans le fond du Japon, il va y avoir un article aussi que je vais mettre là-dessus. Puis je veux vous partager mes photos. C'est la première fois que je vais faire ça dans le cadre du collectif, mais la photographie est quand même quelque chose d'important pour moi. Fait que je vais aller vous partager certains clichés que j'ai pris qui sont mes préférés dans le fond du voyage. En terminant, nice, merci beaucoup. Merci. Ceux que j'ai vus. Ça a été pris avec mon sel en plus. Ça a été un défi que je me suis donné, puis c'était quand même cool. Ça donnait le goût d'aller au Japon, puis il y avait une touche infamous. Ouais, Blade Runner, néon, un peu froid. Et j'ai expérimenté beaucoup avec ma température un peu plus froide. Fait que j'ai bien hâte de vous partager ça. En terminant, dans le fond, je veux remercier les gens qui étaient avec nous ce soir. On a eu Dioxani qui vient de nous follow, Junior Ritlack, Furious Angel qui nous a hosté, Will Akufen qui nous a hosté. On a eu des gens aussi qui ont subscribe ce soir. Ça, c'est vraiment génial. Johnny Gretis, son first subscribe. Fait que ça, c'est vraiment cool. Les gens qui nous écoutent, dans le fond, que ce soit sur Twitch ou en fichier audio, si vous avez un compte Amazon Prime, dans le fond, vous avez accès aussi également à Twitch Prime. Vous pouvez venir nous donner votre abonnement qui va nous aider à se financer. Puis vous, ça vous coûte rien de plus, dans le fond. Fait que vous avez le choix de le donner au canal que vous désirez. Vous pouvez encourager les générateurs de contenu et les créateurs de contenu que vous désirez aussi également. Pour les gens qui n'ont pas d'Amazon Prime et qui voudraient nous encourager, ben on a un Patreon, dans le fond. Donc, vous pouvez aller également sur patreon.com/geekcollectif. Vous allez pouvoir nous retrouver là-dessus et nous aider à financer notre projet. Présentement, le Patreon subvient aux besoins d'hébergement des fichiers et du site web. C'est sûr qu'on a des besoins grandissants. On veut éventuellement peut-être, puis là je regarde ça, ça commence à être fuyant, mais il va peut-être falloir commencer à remplacer notre caméra aussi également, qui commence à faire des siennes. Mais sur ce, c'est vraiment sur une base volontaire. Le collectif est un médium qui est gratuit, qui ne sera jamais caché en arrière d'une paygate. Puis ça, c'est important pour nous. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. On est en train de faire l'épisode 4 de la saison 2. Vous avez un beau back catalogue qui est disponible et qui est maintenant disponible sur Spotify. Donc, notre contenu est sur iTunes, sur Google Play Store, pour Google Podcast, excusez-moi, Store. Dans le fond, qui est gratuit aussi également. Il y a l'application officielle pour les gens qui utilisent Android. Le podcast est hébergé sur Twitch en format vidéo, sur le site web en format audio. Vous pouvez écouter directement. Fait que nous, dans le fond, le but, c'est juste de partager notre contenu avec vous et surtout d'interagir avec vous. Moi, c'est un peu les mots de la fin. Donc, Joe, dans le fond, de ton côté, si les gens voudraient te rejoindre en dehors du podcast... En dehors du podcast, il y a toujours ma fanpage solo de sur Facebook à mon nom, Jonathan Milter. C'est soit ça ou mon profil que tu vas trouver. Sinon, je vais dire mon Twitch qui est Zombie Milter parce que avec Red Dead qui s'en vient bientôt, je vais essayer de streamer de plus en plus du Red Dead, genre, je vais essayer. Puis la page collective va te hoster en aussi. En plus, il va m'hoster, fait que je vais essayer de le faire plus sur Twitch que quand je le fais ces temps-ci. Fait pas si souvent que ça, mais je le fais sur Facebook. Mm-hmm. Que c'était juste parce que, easy shit, puis je streamais des jeux de merde, fait que le monde, des petits commentaires faciles. Là. Non, mais c'est vrai, pareil, là, t'sais, t'as le easy view pendant 5 minutes, puis après, le monde, il stanne. Tandis que sur Twitch, t'as du monde plus fidèle qui vont jaser puis interagir. Fait que je vais essayer de pousser plus mon stream sur Twitch seulement, peut-être devenir un partner aussi individuel. Hein? Ça serait cool, pas, ça. Mais en même temps, non, je veux pas enlever le spotlight de la page du Geek Collectif. Tu sais. Il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Je vais essayer de faire ça plus sur Twitch. Le Geek, il share pas, on stream pas 7 jours sur 7 encore. Donc, exact, exact. Fait un jour, I wish. Essayer de boucher les trous qu'on stream pas, fait que... Avec Red Dead, en plus, ils sortent quand j'étais en vacances, man. Fait que les 3 premiers jours, là, genre, tout est all set. Je fais comme toute la nuit, là. Nice, j'ai hâte de voir ça, Joe. Guillaume, les gens qui voudraient te rejoindre à l'extérieur du podcast? Le plus simple, ça va être par Facebook. Tout simplement, facebook.com/GuillaumeHamel. Sinon, sur le site du Geek Collectif. Perfect, excellent. Puis les gens qui voudraient interagir avec moi, mais dans le fond, c'est super simple. André Paquette sur Facebook. Sinon, ben, je vous recommande très fortement Uzumaki QC, soit sur Instagram, sur Twitter, sur Steam, sur PSN, Xbox Live, peu importe. On va pouvoir jouer ensemble, on va pouvoir jaser ensemble, puis on va pouvoir échanger des photos. Je vous dirais que ça a l'air niaiseux, là, mais Instagram, c'est pas mal mon média social que j'utilise le plus. Puis c'est probablement là-dessus que ça va être plus facile de me rejoindre. Mais t'es un influenceur, c'est normal. Oui. Je suis tellement des photos de toi en chest. Clairement, clairement. Avec un produit, puis non. Des photos de chest puis de G-string. Clairement pas. T'en as une bouteille de Il n'y a pas de chest, il y a juste des G-string. Fait que, guys, ça nous a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Hey, une grosse mention spéciale, guys, sur Twitch. À chaque fois, c'est cool. Vous pouvez nous envoyer les messages pendant les épisodes. Puis c'est vraiment le fun. Puis on aime ça que vous soyez avec nous quand on fait les enregistrements, même si t'écoutes en différé, puis les gens qui écoutent les épisodes en différé, mais on vous invite à venir nous rejoindre sur Twitch. On annonce toujours sur le Discord du collectif et sur la page du collectif les prochains enregistrements, et on vous attend pour pouvoir venir jaser avec nous autres pendant qu'on enregistre. Donc sur ce, on va se laisser pour ce soir et on va être de retour dans probablement 2 semaines avec l'équipe complète cette fois-ci. On va essayer de ne pas avoir d'empêchement, puis on va pouvoir jaser du prochain sujet et peut-être même avoir un invité, parce qu'on va recommencer à avoir des invités dans pas trop long au niveau de la saison 2. Fait que sur ce, guys, on vous souhaite une bonne soirée. Un gros merci d'avoir été avec nous autres et on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. À bientôt.